Salut à toutes et à tous, ici Denis Jeep, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast de la chaîne. Donc c'est un podcast que vous pourrez trouver de façon audio tout d'abord. Et quand j'aurai le temps de faire le montage, si mon emploi du temps justement me le permet, que vous retrouverez en vidéo sur la chaîne. Donc le premier podcast avec un thème très particulier puisque ça va être exclusivement dédié à Star Wars et le jeu vidéo. Donc ce podcast je vais pas le faire tout seul parce que tout seul je suis comme les Sith en fait. Les Sith ils vont toujours par deux et même pour ce podcast aussi on ira toujours par deux. Donc il y a moi, Denis Jeep, et il y a aussi Macrémic. Salut Macrémic, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Salut, salut. Alors je sais pas si je suis le maître ou l'apprenti là, mais... Il y aura un fight à la fin, on verra qui c'est qui trahit l'autre. Mais bon, on va attendre la fin avant de se trahir. Mais maître-apprenti, ça marche quand on est de la même famille? Je suis pas sûr. Et ça peut marcher, il y a eu des cas assez tragiques dans l'univers étendu Star Wars, on va revenir un petit peu sur l'univers étendu plus tard, donc pour le dire rapidement, donc on est cousins, hein. Je ne suis pas ton père, tu n'es pas mon père, je ne crois pas en tout cas, il n'y a pas eu de révélation. Non. Donc on est tranquille de ce côté-là, bon sinon après, présentation, bah, voilà. Bon, tu es quoi, gamer comme moi et fan de Star Wars? Voilà, de toute façon on a grandi ensemble, on a le même âge, donc même passion pour Star Wars et les jeux vidéo d'une manière générale. Même si on a des genres de prédilection qui sont différents. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas beaucoup m'aider pour pas mal de... Enfin, certains genres sur les jeux vidéo Star Wars que j'ai pas du tout testé, parce que j'ai beau être un gros fan, c'est vrai qu'il y a des types de jeux que j'ai pas vraiment joué. Et chose qu'il faut aussi dire en présentation, c'est que finalement, les premiers jeux que j'ai joués, c'était chez toi, puisque je n'avais pas de console à l'époque, pas d'ordinateur. Et donc, c'était plutôt le... On va dire que la cantina où on jouait, c'était chez toi, en fait. Ouais, c'est vrai que j'étais équipé un petit peu plus tôt que toi. Et donc oui, bon, on y reviendra, mais le premier jeu, donc ça se situe aux alentours des années 94-95, par là. Ouais, pour le premier jeu Star Wars, après les premiers jeux vidéo, je crois que le premier que j'ai fait chez toi, c'est quand t'as eu l'Atari. C'était sur console, ouais. Ouais, Atari 2600. C'était sur console, ouais. Et c'était le Space Invader, bref, voilà, classique. À la fin des années 80, voilà. Exactement. Mais bon, Space Invader, c'est l'espace, mais c'est pas Star Wars, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, avant de rentrer directement dans le sujet Star Wars et jeux vidéo, il y a pas mal de choses à en dire. Alors, je le dis de suite, on a joué à pas mal de jeux. On les connaît pas tous, évidemment, hein. On n'est pas non c'est plus des encyclopédies, on les a pas tous testés. Effectivement, c'est assez... Enfin, il doit y avoir quelques fous qui ont dû tout faire. Mais bon, voilà, on va essayer de suivre un petit peu l'évolution la connexion qu'il y a entre Star Wars et jeux vidéo, de toute manière, puisque quand on se rappelle un peu la fin du premier Star Wars, avec le système de ciblage du X-Wing de Luke, avant justement qu'il ne l'utilise plus, il y a ce côté jeu vidéo quelque part, hein, de toute manière, avec... Il y a un côté très arcade, oui, dans la représentation du système de visée. Ouais, voilà, totalement, donc c'est pour ça, et d'ailleurs ça a été repris après dans des jeux, donc quelque part, ils sont assez liés. Mais bon, alors avant de rentrer justement dans le côté jeu vidéo pur, très rapidement, donc Star Wars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sorti à la fin des années 70, en 1977, et à l'origine c'était pas prévu pour être un film, qui même une saga maintenant qui est culte, on va dire que c'est un peu la plus grosse saga de pop culture. Et donc à l'origine c'était quand même une série B, hein. George Lucas il a fait ça, il pensait pas que ça allait faire qu'il allait avoir autant de fans, que ça allait faire ce raz-de-marée là qui est arrivé assez vite quand par exemple Alec Guinness, donc qui fait Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, qui était un acteur très réputé, quand il fait le rôle il savait même pas dans quoi il jouait, il disait mais je comprends pas, qu'est-ce que je fais, il trouvait ça complètement loufoque. Et bon, finalement le film va très bien marcher, donc il y aura deux suites, l'Empire contre-attaque en 1981 et le retour du Jedi en 1983. Donc c'est la fameuse trilogie, la trilogie originale. Et donc c'est pour ça, c'est pour dire que là ça se lance vraiment. Et en fait tout ce qu'il y a autour, donc les jeux vidéo, mais il va aussi y avoir des comics, il va y avoir des... Alors j'avais dit que je ferais une vidéo, et je la ferai sur la chaîne, une vidéo sur l'univers canon maintenant, le nouvel univers qu'on appelle canon Star Wars, et l'univers Legends. Je l'ai pas encore fait, je m'en excuse, mais je le ferai. Donc à l'époque, c'est là que se crée ce qu'on appelle l'univers étendu. C'est-à-dire que ça sort des films, et en fait, il commence à avoir des comics, des romans, et donc après des jeux vidéo qui étendent l'univers. Et alors, je vais pas rentrer dans les détails. On va dire que le premier roman qui apparaît, en fait, c'est un roman qui apparaît un an après le premier Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, A New Hope. C'est un roman qui s'appelle Splinters of the Mind's Eyes, donc j'ai un accent anglais pourri. Mais en tout cas, c'est écrit par Alan Dean Foster, et donc c'est paru en 1978. Donc c'est le premier, on va dire, roman qui sort des films. Et surtout, le plus important, en fait, ça va être après la première trilogie, et c'est ça qui va tout changer. C'est un jeu de rôle papier qui s'appelle Star Wars Role Playing Game, tout simplement, qui paraît en 1987 et qui justement va là rentrer dans, on va dire, l'univers de Star Wars et va l'étendre. C'est-à-dire que des personnages qui n'avaient pas de vrai nom, par exemple, je sais pas, vous connaissez la fameuse scène, hein, même toi tu la connais de toute façon, hein, donc de Ponda Baba, c'est le fameux gars qui cherche des noix à Luke dans la cantina, et qui ressemble à rien d'ailleurs, ça c'est une espèce extraterrestre, et donc il s'appelait pas comme ça dans les films, et c'est dans le jeu de rôle qu'à tous ces personnages-là qui sont secondaires, on va donner des noms en fait. Et c'est ça qui va développer vraiment l'univers, donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'univers étendu. Il va y avoir plein d'autres livres et tout ça, il va y avoir une trilogie aussi, mais on en parlera plus tard, qui va apparaître, la trilogie officieuse 7-8-9 on va dire. Et donc c'est à partir de là que l'univers s'étend vraiment. Au niveau des jeux vidéo, le premier en fait jeu vidéo qui sort, il sort après l'Empire Contre-Attaque, et il s'appelle l'Empire Contre-Attaque, c'est en 1982. Donc ça, si tu veux nous en parler, parce que tu le connais mieux que moi, en tout cas. L'époque où on donnait des noms simples aux jeux, voilà, donc The Empire Strikes Back, premier jeu, ce qui était sorti sur Atari 2600, donc c'est l'époque où on faisait des jeux en une semaine sur Atari, il y avait 5 mecs qui bossaient, une semaine après il y avait un jeu. Mais pour autant, celui-là, eh ben, en fait, il était bon, parce que déjà, techniquement, c'était une réussite sur Atari, parce qu'on a eu de tout, on a eu des très bons jeux, mais il y a eu des sombres bouses sur Atari, comme le légendaire E.T., qui est réputé comme étant le pire jeu jamais fait sur une console de salon. Et oui, et qu'ils ont retrouvé d'ailleurs plein de cartouches dans le Nevada, voilà, dans le désert du Mojave, voilà. Il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est... Voilà, pour vérifier si c'était vraiment une légende ou pas, la fameuse histoire des cartouches enterrées dans le désert, enfin les invendus enterrés dans le désert. Comme quoi, près de la zone 51, dans le Mojave, il y a vraiment un extraterrestre, mais c'était des cartouches d'Atari, c'était pas forcément voilà. Un bonhomme vert. C'était pas d'origine extraterrestre, c'était d'origine terrienne. Donc pour revenir au jeu, oui, il était bon, parce que comme j'ai dit, techniquement, il était réussi. Les contrôles répondaient vraiment au poil. Donc ce jeu, donc en fait, on pilote donc, les fameux Snow Speeders lors de l'attaque des quadripodes au début du film. Et le but du jeu, donc, c'est de tirer donc, sur ces quadripodes et d'en abattre le plus possible à la chaîne pour faire des points, c'est tout simple. C'est le genre de jeu qui à l'époque marchait beaucoup, donc c'est finalement un shoot'em up. Il y en avait beaucoup à l'époque. Bon, on va pas dire que Space Invaders est un shoot'em up, mais un petit peu aussi. Il y avait l'excellent Zaxxon qui était sorti la même année. Donc voilà, c'est un jeu qui marche bien. Alors aujourd'hui, on s'en moque un petit peu. On voit beaucoup de parodies où on change la jaquette, on met Bird versus Camel, donc c'est oiseau contre chameau, parce que oui, effectivement, quand on regarde avec les graphismes grossiers de l'époque, oui, on pourrait très bien dire que c'est un petit oiseau qui s'attaque à un chameau qui lui crache dessus. Bon, bref, bon, on s'en moque gentiment, mais non, pour l'époque, c'était quand même une réussite. Et c'est du gameplay pur à l'époque, oui, voilà. Effectivement. On peut pas intégrer un scénario dans ce genre de jeu à l'époque. Non, puis c'était vraiment pas le but, et pour le coup c'était vraiment plus de recréer des scènes en fait cultes des films pour que les gens en fait puissent revivre leur scène culte quoi. Donc ouais, je pense que si un jeu sur le premier film était sorti, ça aurait été l'explosion de l'étoile noire, mais bon voilà, ça n'a pas été fait. Oui, et voilà, mais c'est vraiment. Voilà. Oui, je pense que c'est ce qu'il appelait le plus, effectivement. Comme on l'a dit, c'était déjà en lui-même, ça ressemblait à un jeu arcade. Et effectivement, ça aurait été probablement la chose qu'ils auraient choisi. Il y avait peu d'autres choses à prendre, même si pour le coup, peu de choses à prendre. Mais un des jeux suivants, on va passer très rapidement dessus, mais c'est par exemple Jedi Arena sur arcade, et qui lui, en fait, est un jeu qui se concentre sur l'entraînement de Luke face à la boule d'entraînement dans le faucon. Donc ça reprend une scène du film qui n'est pas là. La scène voilà. la plus emblématique. Une scène de 1 minute et demie, et on en fait un jeu, voilà, c'est fantastique. Voilà, et on en a pas fait. Voilà. Il n'a pas marqué les mémoires, celui-là, pour le coup, mais ça fait partie de tous ces jeux-là, donc on va pas tous les faire. Et ils vont, à chaque fois, c'est ça, ça reprend des côtés. Il va y avoir aussi un Return of the Jedi Death Star Battle, il y aura même un Ewok Adventures, donc bon, voilà, j'avoue que je suis pas trop renseigné dessus, parce que tout ce qui est Ewok. J'ai beau être un fan hardcore de Star Wars, les Ewoks, j'ai quand même toujours beaucoup, beaucoup de mal. J'ai rien contre les Ewoks en eux-mêmes, mais le fait que ces bestioles-là puissent défoncer soi-disant les super troopers de l'Empire, bon voilà quoi, je pense que ça sabote un peu le film, c'est mon avis personnel, mais j'ai toujours eu du mal avec les Ewoks. Moi j'ai un peu plus de mal avec les Gungans, mais bon, voilà, chacun son opinion. Oui, non, mais on était sur la trilogie originale, mais les Gungans, c'est pour moi, c'est comme les Ewoks, c'est pareil en fait, c'est donc, mais bon, on va pas, mais voilà, c'est vrai que c'était un peu à la noix ce genre de truc-là. En fait, non, le jeu qu'on voulait mettre en avant aussi après, quand même, c'est aussi le Star Wars de 1991, qui est, on va dire, le premier Star Wars sur Next Gen, enfin, la Next Gen de l'époque. Oui. Donc la Next Gen de l'époque, ça fait bizarre de dire Next Gen pour des consoles de 90. Donc c'est toute la génération de consoles de salon. Donc Nintendo, Sega, donc NES, Master System, Game Boy et Game Gear. Oui, c'était Voilà, aussi sur parce qu'en portable. Ouais. France, on dit Game Gear et pas Game Gear. Ah ouais, Voilà, alors le la Game. merci les publicités. Oui, le la Game Boy, le la Game Gear, j'avoue que ça c'est un truc. Ou Game Gear, ou Voilà, ce que vous voulez. bon. J'avoue que là, ça c'est un truc. Voilà, on s'en fiche, mais bon, l'époque de l'arcade et de l'Atari est maintenant Non, mais révolue dis dans pas on les s'en années fiche, parce que pareil, on va 90. avoir un commentaire dans la section commentaires qui va nous défoncer, parce que. Méfie-toi, hein. Ah, Ah, attention, bon. hein. Attention, Alors, la console portable de Sega couleur, Exactement. avec une autonomie sur batterie de 30 minutes. Donc voilà, et c'était donc un bon petit jeu qui mêlait donc les phases. Enfin, c'était surtout en 2D, je crois, mais il y a aussi des phases en vue de dessus, à la Zelda. Et donc voilà, de toute façon, c'est la période où les consoles explosaient, donc en particulier la Nintendo. Et donc voilà, un très bon jeu. Oui, et puis en plus, alors pour le coup, c'est un très bon jeu, et puis voilà, les consoles explosent, et c'est vrai que Star Wars, c'est une licence, à cette époque-là, en plus, c'est là où finalement la trilogie, bon, elle est finie depuis un peu moins de 10 ans, mais bon, ça passe tout le temps à la télé, il y a les VHS dans tous les sens, donc voilà, Star Wars, c'est un truc, ça vend, un jeu Star Wars, ça va vendre, en plus là, pour le coup, c'est vraiment un jeu d'action et tout, donc forcément, ça va se vendre sur les consoles, donc c'est pour ça qu'ils vont faire Star Wars, ils vont faire aussi les Super Star Wars, ou les Empire Strikes Back, Super Empire Strikes Back, donc dans les années suivantes, hein, 92, 93, donc c'est vrai que voilà, c'est des jeux qui se vendent bien. Oui, parce que le style est porteur à l'époque, faire des jeux d'action en 2D de plateforme, ça marche extrêmement bien. Donc si le jeu est bien fait, eh ben y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, en plus, ces jeux-là, donc, ils marchent bien et ça sort. Alors, je vais faire un retour justement sur ce que je disais par rapport à l'univers. Donc, Legends, parce que maintenant, avec le rachat Disney, on en parlera plus tard, c'est plus considéré comme l'univers étendu, c'est autre chose. Mais la fameuse trilogie 7-8-9, pendant longtemps, ce qu'ont considéré les fans, la trilogie 7-8-9, à savoir Heir to the Empire, Dark Force Rising et Last Command, c'est trois livres qui sortent en 91, 92, 93, justement. Et ce qu'on appelle la trilogie de Zahn, parce que Timothy Zahn, c'est l'auteur. Et donc voilà, c'est un truc qui va vraiment beaucoup beaucoup plaire aux fans. Donc voilà, donc c'est toute cette période-là où Star Wars ne passe plus au cinéma évidemment, mais il est très, c'est là où il s'ancre vraiment en fait dans la pop culture. Donc soit à travers les jeux vidéo, les romans, l'explosion de cet univers étendu où il y a vachement de romans. Alors il y a à boire et à manger évidemment, comme dans les jeux vidéo. Donc voilà, c'est un gros truc à tel point qu'il y a même par exemple, alors moi, je l'ai pas testé, mais sur Sega Mega CD en 93, il y a un Star Wars Chess, voilà, un jeu d'échecs Star Wars. Mais c'était peut-être pas le plus important, celui pour le coup. Alors, moi j'ai pas trop fait cette série-là parce que c'est pas trop mon truc, puisque on va tomber sur le genre de simulation spatiale. Mais c'est la fameuse série des X-Wing. Ça, je pense que tu peux nous en parler parce que ça, c'est un truc que t'as quand même bien retourné comme série. Ouais, X-Wing. Alors, je n'ai pas joué malheureusement aux deux premiers jeux qui sont X-Wing et TIE Fighter. Donc, ça sort exclusivement sur PC et aussi sur Mac à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est tout simple, il y avait des périphériques sur PC qu'on ne trouvait pas sur console, c'était les joysticks. Et pour jouer à un truc d'avion ou de combat spatial, c'est quand même plus pratique. Donc X-Wing, un très bon jeu de combat spatial, sans scénario, c'est juste des missions, c'est juste du fun. Bon, forcément, vu le titre, on ne pilote que des vaisseaux de la Rébellion. Du coup, un an plus tard, ils sortent TIE Fighter en 94, c'est exactement la même chose, mais du côté de l'Empire. Et en 97, et bien, donc là, du coup, ils ajoutent. Comment dire, il merge un petit peu les deux camps, et donc il y a X-Wing versus TIE Fighter, qui était excellent, qui bénéficiait d'une bonne pub à l'époque, surtout grâce à son multijoueur, via une plateforme multijoueur dont j'ai oublié le nom, mais bon, je me souviens encore des pubs de l'époque où c'était le directeur du collège qui jouait contre ses élèves, etc. Donc ça marchait très bien. Et le directeur du collège était forcément l'Empire, je suppose. Oh, non, je pense que c'était le chef d'escadrille. Ah voilà, c'est le fameux. Voilà. C'est bon, je l'ai. Ah non, ça a explosé en surface. Et puis, ouais, s'en va. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà. Oui, c'est Red Leader. Voilà. Donc le jeu était très bien, mais il n'était pas parfait. Il manquait deux choses à l'époque. La première, d'un point de vue technique, c'était l'accélération 3D. Car c'est l'époque, on avait des cartes d'accélération 3D qui venaient de sortir. Donc la fameuse Voodoo de 3DFX. La Voodoo, et j'allais le dire, ouais. Super voilà. Carte, très bonne carte. Et donc ça a tout révolutionné. Et il manquait aussi autre chose, c'était une campagne solo qu'il n'y avait pas, c'était juste des missions. Et donc là, ils vont corriger le tir, donc quelques mois après, ou je crois un an après, avec l'extension Balance of Power, qui était très très bien. Ça rajoutait aussi des vaisseaux comme les B-Wing qu'on avait dans le Retour du Jedi, qui était absent des premiers jeux. Donc avec là, le jeu était parfait. On pensait pas faire mieux. Sauf que l'année d'après, là, ils nous sortent X-Wing Alliance, et alors là, c'est la méga claque. Parce que déjà graphiquement c'est beaucoup plus abouti, ça tombait par terre, on voit des planètes qui sont immenses. Alors c'est que du bitmap à l'époque, c'est que de la 2D, mais c'est beau. Et surtout il y a autre chose aussi. Une campagne solo. Il y a une campagne solo, oui. Et en plus tu parlais des vaisseaux, il y a aussi un truc quand même que tout fan de Star Wars et qui fait de la simu, bon, ce qui n'était pas mon cas, mais envie de piloter, qui rajoute. Et oui, voilà, tu as des transporteurs coréliens, donc en fait c'est comme les Faucons Millennium. Donc ensuite la référence, je me souviens plus trop, je crois que c'est les YT-1300 ou quelque chose du genre. Exactement, donc, voilà. Ouais. C'est ça, et donc le jeu est intéressant parce que la campagne solo prend place au moment du retour du Jedi, où on est dans une famille, donc la famille Agamine, qui mène sa petite vie et puis qui va se retrouver embarquée malgré elle dans la guerre et la rébellion. Et donc le jeu alterne, donc au début il y a des missions familiales où on a son transport et puis on mène son petit business. Et ensuite on va être embrigadé dans la rébellion à lutter contre l'Empire. Et donc on a des phases, des missions rébellion et des missions toujours familiales. Et le truc qui était intéressant pour l'époque, c'est que on va carrément revivre les événements de la fin du Retour du Jedi avec l'attaque de l'étoile noire en Faucon Millennium. Et ça déchirait, même si, petit bémol, on ne voyait pas l'étoile noire au niveau de la surface, mais par contre il y avait toute la phase où on rentrait dans le tunnel pour aller faire sauter le réacteur. Donc ça veut dire que tu pilotais, génial. Tu jouais Lando alors en fait. Tu jouais Lando. Ou tu jouais Niemneb si t'étais son copilote. Non, on jouait Lando. Vraiment Lando. Avec malheureusement pour la VF en tout cas pas les doublages originaux des films, mais bon via des petites bidouilles, à l'époque c'était que des fichiers WAV, et bien on rajoutait les vrais dialogues des films pour avoir l'immersion la plus réaliste possible. Ouais, donc ça c'est vrai que c'était un gros truc. Bon, moi j'ai vu que des, je l'ai pas testé, je pense que j'ai peut-être vu jouer par toi chez toi, mais c'est vrai que moi j'ai jamais été très doué avec les joysticks, les simus, c'est vraiment pas mon truc. J'allais dire la simulation, c'est pas mon truc. Bon, bref, voilà, passons. Non, vous allez oublier, c'est quoi, ce ne sont pas ces jeux de mots pourris que vous cherchez. on va aussi, donc on parlait de cette série qui finalement donc débute avec X-Wing en 93. En 93 aussi sort un jeu qui est en fait le premier jeu donc Star Wars auquel toi tu as joué, oui. Et aussi le premier, comme je jouais chez toi, que moi aussi j'ai joué et que j'ai vu jouer, donc c'est le fameux Rebel Assault. De 1993. Oui, premier jeu Star Wars, un jeu tout simple, donc c'est un rail auquel on a joué nous, premier. C'est pas le premier à sortir, mais c'est le premier. Oui, le premier auquel on a joué, donc un jeu de rail shooting, c'est-à-dire que l'action défile devant nous et on a juste à manier le joystick pour détruire les ennemis, les objectifs, etc., ou éventuellement piloter un petit peu le vaisseau. Donc la particularité de ce jeu-là, c'est que le CD-ROM était en train d'arriver dans les années 90, parce qu'avant c'était des disquettes. Et oui. Et la particularité de ce jeu-là, c'est que les autres éditeurs sortaient des CD-ROM juste pour s'affranchir de la pile de disquettes qu'il faut mettre les unes après les autres pour installer. Alors que là, non, pas du tout, ça exploite complètement les capacités du CD-ROM. En mettant des animations avec une qualité vidéo qui était encore jamais vu à l'époque. Donc franchement, à l'époque, ça avait de la gueule. Quand on maniait le vaisseau dans les canyons ou quand on attaquait un destroyer impérial, c'était franchement joli. Ensuite, bon, le jeu est ce qu'il est, donc il est assez basique. Mais à l'époque, ça, franchement, ça décollait la rétine, comme on dit. Et puis, autre chose qu'il faut préciser aussi, il sort la même année, quasiment un peu plus tard, ils ont été développés quasiment simultanément que X-Wing. Et X-Wing, comme Rebel Assault, c'est surtout aussi les deux premiers jeux qui sont développés par LucasArts. Oui. Et donc, ça, c'est quand même très important, puisque donc, LucasArts était un grand développeur, éditeur jeux vidéo hein, de la belle époque, qui bon, a disparu maintenant, mais il reviendra à la fin. Sans spoiler. Mais donc il a fait des super jeux alors d'aventure d'ailleurs hein, pas que au niveau de l'univers Star Wars mais oui les Indiana Jones c'était absolument géniaux. Voilà oui voilà ils ont puis même plein d'autres jeux d'aventure ils ont vraiment fait des super bons trucs et c'est vrai que voilà là c'est là où en fait LucasArts donc qui une branche hein, de Lucasfilm tout ce qui était forcément c'est dans le nom créé par George Lucas ben c'est voilà il aura fallu attendre quand même 10 ans pour que finalement ils créent aussi leurs propres jeux vidéo donc aussi c'est pareil hein, le soin aussi apporté d'un point de vue technique aussi, je pense que ça... Je sais pas si George Lucas était partie prenante là-dedans, même si c'est les premiers, il a dû avoir son mot à dire. C'est quand même quelqu'un qui aimait avoir son mot à dire quand même sur un peu tout. Mais voilà, je pense que c'est aussi le fait de tester les capacités, parce que même ces films en eux-mêmes, au niveau des effets spéciaux, ont toujours testé les techniques, les capacités. Hein, c'est lui qui a créé... tu vas l'avoir le nom, c'est IML, c'est ça? Non, ILM. Industrial ouais, Light and Magic. ILM, c'est ça. C'est quand même lui qui a créé ça, et donc après, c'est eux qui ont fait après tous les grands ouais, films très, catastrophes des années 90. Très avant-gardiste, pardon, George Lucas. On se souvient qu'il avait filmé l'épisode 2 complètement en numérique, avec des caméras qui pesaient un âne mort. Exactement, le fameux épisode 2, donc l'attaque des clones, hein, puisque. Et qui voilà, effectivement, tout sur fond vert, puisque c'était au fond bleu d'ailleurs, je sais plus trop, je m'en rappelle plus. Hein. Ça commençait à être vert, je crois. Ouais, non, c'était encore bleu. C'était bleu, bien que c'était fond bleu. Je me souviens trop. Du making of. On voit encore McGregor en train de faire ouais, ça. Ouais, trucs. C'est ça. Et donc oui, voilà, ça lui a été reproché, mais bon, en tout cas, on ne pourra pas dire que c'est pas quelqu'un qui a innové là-dedans. Donc effectivement, ce côté technique aussi, ben, ce soin apporté à la technique et puis de profiter des nouveaux supports, voilà, de chercher de suite à maximiser les choses par rapport à des nouveaux supports, ça colle vraiment avec la mentalité de George Lucas. D'ailleurs, je pense qu'un des premiers films sur... pas des premiers films, mais un des films les mieux fichus sur Blu-ray, peut-être pas en 99 pour La Menace Fantôme, mais ou sur Laser CD ou je sais pas quoi, c'était aussi La Menace Fantôme. Enfin, à chaque fois, il était vraiment... il joignait la technique au côté artistique de toute manière. C'était pour le petit aparté. Donc voilà, de gros bel assaut. Bon, mis à part ça, c'est pas non plus un jeu qui est le plus marquant. C'est pas transcendant, mais bon, voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux et voilà, donc c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. C'est toujours une expérience sympathique. Le jeu marquant, alors pour moi, mais pour toi aussi, je sais, le premier jeu vraiment marquant Star Wars, en fait, il apparaît 2 ans plus tard, en 1995. Non, mais je dis des bêtises, en fait. Notre premier jeu marquant, c'est 4 ans plus tard. C'est en 97. En fait, c'est Dark Force 2, mais on va parler rapidement de Dark Force, qui paraît en 95. Donc Dark Force, en fait, c'est le premier FPS. Donc c'est quand même quelque chose de... Premier FPS Star Wars. Ouais, Star Wars, oui, voilà, évidemment, bien sûr. Puisqu'avant, le premier FPS, c'est... Wolfenstein. Wolfenstein 3D, effectivement. Et donc c'est un FPS. On joue pas déjà ni quoi que ce soit, mais on nous met dans la peau de Cal Katarn, donc qui pour le coup est un personnage qui est créé pour le jeu, qui est un ancien impérial, qui a séjourné en rebelle parce que son père a été tué. Et quelque part, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a chassé la nuit, qui a tourné en fait Kazakh. C'est une expression bien ringarde, qui a tourné Kazakh. et en fait, donc on va se retrouver finalement bien avant Rogue One. C'est un jeu qui va nous montrer comment en fait les plans de l'étoile noire en fait sont volés. Donc c'est une explication pour le coup de l'univers étendu de qui a volé, donc pendant. Qui a volé l'orange. Il faut vraiment que j'arrête à faire des associations d'idées bien pourries. Donc c'est pas Michal, c'est Cal Katarn qui a volé les plans de l'étoile noire, et donc pendant très longtemps, ben, pour tous les fans de Star Wars, c'était Cal Katarn qui avait fait ça, et donc on l'apprenait pas au travers d'un livre ou d'un comics, même si ses aventures après vont être racontées dans, je crois qu'il y a trois courts romans qui racontent un peu les événements du jeu, enfin du second jeu, quelques comics. Donc voilà, c'était le premier FPS, donc voilà, ça surfe un peu sur la vague, c'est la grande époque, la première grande époque des FPS ces années-là, puisque donc il y a eu Wolfenstein 3D, puis après il y a eu bien sûr Doom... Voilà, les gens découvraient les FPS sur console aussi, parce que Wolfenstein et Doom c'était sur ordinateur, et Doom a été adapté sur Super Nintendo, et donc le genre du FPS, enfin les gens découvraient ce genre-là de jeu, Et Dark Force surfe un petit peu aussi sur cette vague. Ben oui, puisqu'il paraît d'ailleurs, il sort au PlayStation, puisque la PlayStation sort oui. en 80... venait de sortir, ouais, venait de sortir en 95. En 95, ouais. Donc, et c'est là que les gens déjà devaient comprendre, même s'ils n'ont visiblement pas compris, attention, c'est un gros troll, que le FPS, c'est sur PC. Donc voilà ça s'est fait. Je sais qu'on va pas s'engueuler là-dessus. On va se prendre peut-être des commentaires, mais non, mais c'est vrai que c'est quand même, enfin, c'est fait de toute manière techniquement. C'est à moins d'avoir. Historiquement, c'est fait pour le PC, mais pas pour une histoire de contrôle ou quoi, parce qu'à l'époque on jouait avec le clavier et on tirait avec espace. Après, en termes de précision, de toute manière, voilà. Le pointeur de la souris est plus précis. Enfin, Oui, mais ça arrive quand même bien après le système de visée à la souris. Il faut attendre quand même Quake. Parce que pour l'époque, là, c'était fini. Il y avait pas, on s'amusait pas à regarder dans tous les sens, en haut, en bas. Et c'était. De toute façon, si tu regardais en haut, il y avait rien. Mais non, c'est ça qui était bien. Mais c'était enfin, c'est pour ça que les jeux prenaient moins de place. Et donc voilà, ouais. C'est bien après qu'effectivement, qu'il y a le. C'est Quake, oui, c'est ça le premier qui a. Quake, oui, qui révolutionne un petit peu le système de déplacement et de visée, dont va aussi profiter Dark Force 2. Dark Force 2, une transition exceptionnelle. T'as vu. Et bah, c'est fantastique. Alors, en 90, ça sort en 97, donc là, c'est vraiment pour le coup le jeu qui. Parce que moi, Dark Force, je l'ai fait en fait bien plus tard, je n'avais pas fait le premier. Et, ouais, pareil. Et ce sont des jeux là, il y a plein de jeux comme ça, on en parle souvent sur les soldes Steam. Ils sont aussi sur GOG, voilà. Parce qu'en mettant, oui, voilà. Oui, oui. Et c'est encore mieux quand il n'y a pas de DRM. Et en fait, ce sont des jeux qu'on peut trouver vraiment. Non, mais il y a beaucoup de jeux, même jusqu'à des jeux très récents, même de 2002, 2003, 2004, 2005, qui jusqu'à maintenant, qu'on peut trouver vraiment pas cher. Et donc, il y en a certains qui n'ont pas trop mal vieilli. Bon, ceux-là, ils piquent. Hein, vraiment, faut dire ce qu'il y a quand même. Ça picote les yeux. 97, un petit peu, donc. Faut bidouiller en plus pour. Mais bon, on y reviendra après, mais faut bidouiller un petit peu pour faire fonctionner. Oui, il y a moyen de. Les doper un peu, on va dire. Donc 97, Dark Force 2, qui est sous-titré Jedi Knight. Pourquoi ? Parce que justement, ouais. Alors on reprend quelques patterns sur celui-ci, sauf que finalement, il se découvre une affinité avec la Force, et... Qui lui vient de son père. Son père était un Jedi, effectivement. Il ne le savait C'est pas. C'est ça. Et donc il y aura toute une mission, d'ailleurs, où on va récupérer le sabre de son père. Puisque là il y a personne pour le filer en disant oh, j'ai gardé le sabre. Non, en fait non, c'est pas comme Luke Skywalker, lui Calcatarn, il faut qu'il aille récupérer dans des niveaux qui sont hyper grands, mais tout ce qui est technique, je vais te laisser en parler justement. Donc l'avantage c'est que voilà, c'est que pour le coup on rentre dans la mythologie, ça développe vraiment ce côté des Jedi, puisque ça va parler des Jedi noirs par exemple, puisque ça se passe donc après l'explosion de l'étoile noire, mais il y a toute une frange de Jedi noirs qui cherche une vallée des Jedi qui donnerait donc encore plus de puissance dans la Force, donc il y a vraiment tout un scénario qui est développé là-dessus, et donc le jeu en lui-même, bon, il y a aussi, je vais te laisser parler de tout ça, donc au niveau des niveaux, c'est immense tout ça, et puis voilà, il révolutionne vraiment, par rapport à ce qu'avait fait Dark Force, c'est vraiment, on va dire, le niveau largement supérieur, comme il dirait dans... Comme il dirait, ouais, c'est le niveau à 11, quoi. C'est ça. C'est l'évolution logique du jeu vidéo à cette époque. Dark Force, ça reste de la 2D où on est dans des couloirs. Et donc là, on découvre complètement le potentiel de la 3D, qu'elle soit accélérée via les cartes accélératrices ou pas. Mais on est dans des décors vraiment gigantesques. Donc aujourd'hui, si on regarde ça, effectivement, c'est très cubique. Mais à l'époque, c'était vraiment gigantesque. Aujourd'hui, on nous sort des jeux, on va dire des FPS un peu couloirs. Donc bon, c'est pas un troll, mais c'est vraiment ça. C'est beau, mais ça reste beaucoup moins vaste que ce qu'on faisait à l'époque. Et donc, techniquement, une très très grosse réussite. On avait même droit à la bande son des films. Et oui, pas ça, intégral, c'est... Et oui, mais ça c'est le côté un peu... Oui, parce qu'il y avait tout le côté bande-son, et même, je ne l'ai pas dit, mais il y avait aussi les cinématiques, c'était fait jouer par des acteurs. Oui, voilà, et les cinématiques en... c'est quoi le terme que je cherche là ? Je ne sais plus. Mais oui, c'était cette mode aussi, où donc voilà, ben, la taille des supports augmentait avec le CD-ROM, et donc et ben, on pouvait faire... Et il y avait d'ailleurs, le second CD était dédié aux cinématiques, voilà. En fait. Et enfin, il y avait quelques-unes qui étaient. Les premières étaient stockées sur le premier, mais après il fallait insérer le second CD. Oui, oui, voilà. À un moment donné, le jeu vous disait insérer le CD2. Sinon, pas de cinématique. Mais d'ailleurs, la première fois que j'avais récupéré, parce que tu me l'avais passé, je l'avais récupéré, je n'avais pris que le premier CD, ce qui fait que je mettais. je n'avais pas eu toutes les cinématiques pour la suite, et donc j'avais l'air bien stupide, hein, et je râlais un peu. Ouais. Mais surtout, si tu n'avais pas le CD, bon, alors déjà, le jeu, il se lançait pas, mais surtout, les pistes audio étaient sur le CD, parce qu'à l'époque, on faisait un truc bon, qu'on ne fait plus aujourd'hui, fatalement, mais donc, il y avait, c'était une sorte de système de multipartition sur les CD, où tu avais les données du jeu que tu installais et que tu traitais, et tu avais donc la piste audio du CD. C'est-à-dire que si on mettait le CD dans un lecteur de CD classique de salon, et ben ça, on pouvait jouer les musiques. Et ça, c'était très bien, en fait. Moi, il y a plein de jeux comme ça auxquels je n'ai pas joué. Alors, c'est l'époque, il ne faut pas dire ça ici, quand on gravait les CD. Mais il ne faut pas le dire. Mais en tout cas, ça peut arriver, ou quand on va dire qu'on nous le passait. Mais il y a des jeux comme ça. Moi, les premiers Tomb Raider sont des jeux que j'ai pas accroché du tout, donc j'ai quasiment peu joué. Mais j'aimais beaucoup la BO. Je me souviens d'avoir de mettre le CD dans mon... Alors, c'est pas un jeu disque à l'époque, hein, mais dans mon vieux disque, le Discman, ça s'appelait. C'était le Walkman, mais Discman. Et ouais, on en avait un. Et bam, après le soir. Walkman, ouais. Et c'est ça, et je le mettais tout ça. Donc c'était quand même super. Et même les musiques qu'il y avait stockées pour les démos, pour faire les trucs genre Internet, Infony et tout ça, il y avait les musiques de menu et tout ça. Voilà. Donc c'était quand même super. Et c'est le truc qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, parce que par exemple sur GOG, on peut trouver le Jedi Knight. Sauf qu'en fait, ils se sont pas embêtés à corriger ce défaut. C'est-à-dire que si on n'a pas le CD, ben, en fait, on n'a pas de musique dans le jeu. Donc ensuite, il y a toujours moyen de bidouiller. Mais voilà, c'est là où je disais qu'il faut bidouiller pour en profiter comme à l'époque, pour avoir la musique. Parce que sans musique, ben, c'est quand même pas pareil. Et puis ça reprenait vraiment la partie. Pour le coup, c'était vraiment les musiques, c'était pas retravaillé, ça reprenait la partition. Enfin, c'était les mêmes, hein. Des passages de John Williams. Les niveaux étaient immenses, le jeu était dur, hein. C'était à l'époque où le FPS était dur, hein. On se régénérait, il n'y avait pas de régénération, il n'y avait pas de cover ni quoi que ce soit, les trucs étaient immenses, enfin, il y a des niveaux dans le Jedi Knight, que ce soit un niveau d'une espèce de base spatiale ou dans les canyons de la vallée des Jedi, qui sont, même de la ville où on va récupérer le sabre, on doit s'infiltrer, ils sont immenses, quoi. Ils sont immenses, il y a plein de trésors à trouver, il y a des petits clins d'œil, des easter eggs, comme on dit. Exactement, ouais. Et surtout, il propose pas un choix d'ailleurs. Suivant comment on joue, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où on développe des pouvoirs. Ben, si on tire trop du côté des pouvoirs obscurs, parce que hey, Kikoulol, ils sont cool les pouvoirs du côté obscur, à un moment, le jeu, il y a une scène importante, et si on a trop tiré du côté obscur de la force, le jeu automatiquement nous fait passer du côté obscur, et donc ça nous amène sur une nouvelle voie, et donc on débloquera une fin différente pour le dernier quart du jeu. Et si on a des pouvoirs plus du côté lumineux, on aura, on va dire, la fin principale. Donc il y avait déjà ce truc-là qui était assez intéressant, ce côté-là, genre, où le jeu t'expliquait. En plus, pour le coup, c'était pas une question de choix, comme on pourrait nous proposer. C'était, on te l'avait pas dit, parce qu'il ne l'explique pas dans le jeu. Mais tu vois, en voulant t'amuser avec les côtés obscurs, t'as joué avec ça, et ça t'a mis sur cette voie-là, et à jamais, il dirigera ta destinée. C'est exactement les paroles que dit Yoda dans les films, et là, que dit le gars qui nous parle, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un ami de son père. C'est un ami de son père, Qui nous parle via la force, et qui en fait se fait tuer au début. Au début du jeu, dans une cinématique, du début du jeu. Exactement. Voilà. Et donc c'était, il y avait vraiment quand même plein de trucs là sur ce jeu-là. Donc c'est une année importante, puisqu'il y a aussi donc, le Shadow of the Empire qui sort sur 64 sur PC, qui va mettre aussi un personnage en avant, qui est Dash Rendar, qui est un personnage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est un gros personnage aimé des fans de l'univers étendu. Il y a les fameux, donc on a dit X-Wing TIE Fighter, donc 97, c'était une grosse année. 98, alors on t'en a déjà parlé, il y a X-Wing Alliance, évidemment, qui est le gros jeu de cette année-là. Il y a aussi Rogue Squadron, alors après ça c'est pareil, hein, qui est bien connu, qui est PC, Nintendo 64, et un add-on pour Jedi Knight qui s'appelle Mystery of the Sith, où on joue Calcatal un petit peu, mais on joue surtout, alors c'est pareil, on va pas en faire des caisses, mais on joue quand même Mara Jade, alors on joue un personnage féminin, et c'est pas si courant, malheureusement, à cette époque-là, en 98, et alors je pense que pour le coup, ils ont fait ça pour suivre un peu la mode des Tomb Raider, qui était déjà paru. C'est possible, oui. D'avoir ce personnage-là comme ça, féminin, mais surtout parce que Mara Jade est dans l'univers, c'est pareil, étendu, donc c'est un personnage qui apparaît dans la fameuse trilogie officieuse, de la trilogie de Zan en 91, et donc c'est un personnage pareil très aimé par les fans. Vraiment, je pense que c'est un des personnages féminins les plus aimés par les fans dans l'univers étendu. Donc qui est à l'origine une méchante, enfin c'est un assassin formé par Palpatine, et à la suite de disparition de Palpatine, tout ça, elle veut aller tuer Luke Skywalker, mais il se passera plein de choses, elle va changer. Ceux qui veulent lire les livres, je les conseille, même si c'est plus considéré comme canon, c'est quand même très excellent. Je vais pas spoiler ici ce qui se passe, mais en tout cas, elle a vraiment une super histoire, et c'est un personnage vraiment adoré des fans. Et donc ici, ben voilà, en fait, on la suit quand elle est du côté lumineux, donc elle a une affinité avec la force, et ça permet justement de jouer le... Donc voilà, c'est un add-on, oui c'est ça, c'est un add-on du jeu. Et qui était pareil, un jeu avec des niveaux encore immenses quand même, c'était pas un petit add-on, hein, ils avaient vraiment fait les choses en grand, et qui, pareil, qui était... hyper, il était même plus difficile que le jeu original, je crois. Dans mes souvenirs, enfin, moi je sais que je galère. Oui, le dernier niveau, c'est absolument l'horreur. Déjà, c'est un labyrinthe, enfin, pas au sens propre du terme, mais il y a vraiment de quoi se perdre. C'est le genre de jeu où on te nargue, et où dès le début du niveau, on te montre l'objectif à atteindre. Tu sais que tu dois aller sur cette plateforme. Et en fait, ça dure 2 heures parce qu'il faut courir absolument dans tous les sens. Avec des monstres, etc. Donc, c'est un cauchemar de la force. Mais pour le coup, le jeu d'ailleurs, en plus, rentre vraiment dans les histoires de force et tout ça. Enfin, il y avait quand même des choses qui étaient vraiment assez intéressantes. Donc c'était quand même un très bon... Oui, il y avait même un niveau au début du jeu où on doit infiltrer donc une antre de Tusken, il me semble, avec un déguisement. Ah oui, j'ai carrément oublié ça, mais oui. Ouais, donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont vraiment originaux. Et oui, le jeu est dur. Rien que le début où on contrôle encore Katarn, il faut aller dans un astéroïde. La base astéroïde, là, oui, ça c'était. Ouais, il faut désamorcer 3 systèmes et puis se barrer, et tout est chronométré en plus. C'est super dur. Mais voilà, enfin. D'excellents jeux, excellents souvenirs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est en fait, c'est que ce soit le jeu principal ou l'extension, les persos sont vraiment atypiques. C'est pas des tout méchants ou des tout gentils. C'est des gens qui ont eu un parcours vraiment chaotique. Un coup impérial, un coup mercenaire, un coup Jedi, un coup Jedi noir. Et ils, voilà, ils sont beaucoup plus. Ils jouent là-dessus, mais ça, je pense que c'est lié directement justement à la. À l'univers étendu, justement, qui creuse vraiment là-dessus, et comme ils font maintenant dans un nouveau canon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils essaient justement de. Qu'il n'y ait pas une frontière trop marquée entre le côté. Parce que quand on regarde la première trilogie, il y a vraiment le côté les gentils, les méchants, et ils ont essayé après de mixer ça. Dans l'univers étendu, ça se fait beaucoup. Et dans le nouvel univers canon aussi, c'est vraiment un truc qui font ça. Et c'est vrai que oui, voilà, il y a vraiment ce truc-là. Puis c'était des personnages, genre Mara Jade venait de l'univers étendu, mais il l'amène dans ce jeu-là. Katarn, c'est un personnage qui est créé. Donc c'est vrai que c'était très intéressant, et d'ailleurs à l'époque aussi, alors très rapide parce qu'on va pas faire des tonnes non plus sur ces deux jeux là, mais il y avait aussi des mods qui nous permettaient aussi, où les gens créaient une version de Han Solo, Darth Vader, tout ça, et ce qui fait qu'on pouvait jouer en... Alors réseau je sais plus trop, mais en LAN, c'est sûr qu'on pouvait jouer en LAN. En réseau local, ouais. Réseau local, ouais, et on pouvait se refaire, ils avaient recréé des niveaux type, par exemple sur Bespin, donc la cité des nuages dans l'Empire Contre-Attaque, où il y a la fameuse scène mythique où Darth Vader se bat avec Luke et dit « Je suis ton père ». Alors c'est un spoiler, mais en même temps, si vous faites spoiler les gars maintenant, alors que le film est sorti il y a plus de 30 ans, 37 ans même, j'ai envie de vous dire, bon, voilà quoi. Mais voilà, on pouvait recréer, je rappelle chez toi, on recréait les combats et on calculait même à descendre les mêmes escaliers au même moment, chronométré, voilà, pour faire exactement le combat, la même chose, ou se cacher dans l'espèce d'allée lumineuse et jaillir au dernier moment. Enfin voilà, on refaisait les combats, donc c'était des modes, c'était déjà assez sympa aussi à faire. Alors bon, on va pas en faire non plus, on va passer rapido. En 99, c'est la période où sort justement La Menace Fantôme. Donc La Menace Fantôme, il est considéré comme l'un des moins bons films. J'allais dire les plus mauvais, mais moi je peux pas dire les plus mauvais. Je suis trop fan. Donc oui, il y a Jar Jar Binks, il fout en l'air les choses. Mais il y avait des choses, moi je défends, mais toi aussi je sais, qu'on est des défenseurs de la prélogie. Donc on va pas s'engueuler là-dessus, il y en a qui détestent, c'est leur choix. Moi je vois ce qu'il a voulu raconter, je vois les... Dans ces films-là, les fautes qu'il y a, parce qu'il y a des erreurs, il y a beaucoup de maladresses. Je pense que George Lucas aurait dû être aidé au moins pour les dialogues et pour la direction d'acteur. C'est pas un bon directeur d'acteur, c'est pas un bon dialoguiste. Il crée super histoires. Mais il y a des très bonnes choses dans ces films-là. Donc ça sort en 99. Donc il va y avoir des adaptations pour le coup du jeu, La Menace Fantôme. Il va y avoir aussi un Star Wars Racer, puisqu'il reprend la scène de la course de pod. Et d'ailleurs, ce jeu-là est peut-être même mieux que le jeu La Menace Fantôme. Avoir fait les deux, je confirme. Tu confirmes ? Moi j'avais fait que Racer en fait, bon, et je suis vraiment pas fan de ces jeux-là de course, mais comme c'était Star Wars, la course de pod, je l'ai quand même fait. Ouais. Après voilà, Battle for Naboo, des trucs sur Obi-Wan, bon, on va passer rapidement cette époque-là où ils sortent beaucoup de jeux. C'est pas non plus, voilà, c'est plus de la quantité que de la qualité quand même. C'est ça. Et donc voilà, mais c'est parce que c'est la nouvelle, ce qu'on appelle la prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3 qui vont sortir en 99, 2002 et 2005. Donc là, il se passe quand même pas mal de choses. Toi, finalement, celui que tu voulais parler, alors Force Commander qui sort, ça tu l'as testé, tu m'as dit que c'était. Oui, voilà. Premier jeu de stratégie sur l'univers Star Wars. Bah, c'est en 3D parce qu'à l'époque, ben, la 3D est là avec PlayStation, Dreamcast, etc. Bon, bien que ça sorte que sur PC, mais tout le monde part sur la 3D en sacrifiant totalement la qualité, même graphique, parce qu'avant c'était super cubique, c'était vide, etc. Et bah, c'est raté, tout simplement. C'est pas beau, c'est pas intéressant, c'est pas fun. C'est raté. Ben Pas de voilà, chance. tu me vends super bien le jeu. Donc ça, c'était en 2000. T'as vu? Ensuite, 99. Ouais, 2000. 2000, pardon. 99-2000, ouais. Et ensuite, ils sortent aussi. Est-ce que le second qui sort, c'est en 2001, Galactic Battlegrounds, Galactic Battlegrounds. qui est Alors aussi là, ils sur ont compris Macintosh. que. Attention. Voilà. Attention, ça rigole pas. Si ça sort sur Mac, c'est forcément bien. Non, ça, c'est un troll mal placé. Qui est complètement faux d'ailleurs. Donc là, ils corrigent complètement le tir. Ils ont compris que la 3D, bah, c'est pas aussi bien que ça. Surtout que bah, en fin 90, il y a de super jeux qui sortent. Donc il y a StarCraft et il y a aussi les Age of Empires qui sont très très bien. Donc là, ils repassent, enfin ils passent sur la 2D et ils vont faire donc Galactic Battlegrounds qui utilise le moteur de Age of Empires 2. Donc c'est vachement mieux. C'est pas encore super. Hein, les unités sont pas extrêmement bien équilibrées. Le moteur de jeu était vraiment conçu pour Age of Empires, donc afficher des trucs un petit peu médiévaux. Et donc là, des décors futuristes comme ça rend un petit peu moins bien. Mais bon, voilà, c'est quand même bien meilleur que le jeu précédent. Bon, c'est déjà. En tout cas, c'est les premières avancées dans le genre stratégie. Tout à fait, Et les premières tout à tentatives. fait. En 2002, donc sur l'attaque des clones au cinéma, avec une romance malheureusement qui sera encore là, mal gérée par Lucas, ça aurait pu être l'une des plus belles romances. C'est vraiment dommage. Quand on réécoute le thème qu'a fait John Williams pour cette romance, c'est pareil, s'il y avait eu une meilleure direction d'acteur. Et s'il avait mis des scènes coupées qui étaient mieux que les scènes qu'il a mis dans le film, d'ailleurs, la fameuse scène dans la Ouais, famille. Mais ça, on c'est vrai. s'égara. Mais Attaque des Clones, donc sort forcément un jeu qui s'appelle Attack of the Clones, qui est loin d'être mémorable. Et puis, comme faire, ils ont fait exactement comme dans Phantom Menace. Et c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un jeu de course qui, cette fois-ci, va s'appeler. Pas Kezak, il va s'appeler Racer Revenge. Bon, voilà, rien de mémorable. Ils Voilà. ressortent aussi un petit Obi-Wan, parce que pourquoi pas. Ils sortent aussi un Starfighter. Enfin bref, ils ressortent un peu tous les genres. Vu que les films. Starfighter, Jedi Starfighter, là Ouais. on est en plein boom parce que la PlayStation 2 vient de sortir et C'est vrai. Microsoft vient de sortir la Xbox. Donc on fait des jeux quand même rapidement sur ces nouvelles plateformes pour Oui, essayer d'en exploiter les capacités. et comme on dit, c'est la licence Star Wars, ça se vend, en plus les films sont en train de sortir, donc bref, pourquoi ne Voilà. pas faire Voilà, des ils jeux? auraient tort de ne pas le faire hein, Voilà. si ça se vend. Hein. Donc c'est pareil en fait, hein, on est toujours quand même dans la quantité par rapport à la qualité, et heureusement quand même, il va y avoir des trucs qui sont assez bien dans ces années-là, en 2002, donc c'est toujours Oui. l'année de sortie du film, c'est qu'ils nous ressortent de derrière les fagots le fameux Kyle Katarn pour un Jedi Knight 2, qui s'appelle Jedi Outcast, et donc il sort en 2002, et qui donc on reçoit Kyle Katarn. Bon, il s'est mis un peu de côté par rapport à la force, mais il va avoir des choses, enfin il y a tout un scénario qui est vraiment assez Ouais. intéressant, qui se lance, et là franchement le jeu, donc c'est un FPS, c'est dans la période en fait du début, en fait on va dire le début du second âge d'or du FPS qui va venir un peu plus tard, mais non, même pas plus tard, parce qu'il y a Half-Life 2, il sort quand? Non, il sort un peu plus tard, Half-Life 2. Oh là là, Half-Life 2, non, il sort Il sort en en deux. 2004. Ouais, il se retirera un peu plus tard. Donc on est un peu dans l'entre-deux. Et d'ailleurs, c'est un des rares, justement, FPS de qualité, vraiment, enfin, vraiment qui se dénote. Ouais. Donc Bah en gros FPS, il y en a qui sont sortis entre les Jedi Dark Knight, parce qu'il y a donc Half-Life qui est sorti en 98, et au niveau technique, c'est les mecs derrière la série des Quake Oui. qui maîtrisent complètement. Et la bonne idée, justement, c'est que Jedi Dark Knight 2, il reprend le moteur de Quake 3, et graphiquement, c'est une tuerie. Ouais, et alors on va pas dévoiler tout le scénario puisqu'on prendrait du temps, on a un peu trop déjà avancé là-dessus, mais le Tukias, alors pour l'avoir fait vraiment très récemment, l'avantage c'est que comme l'univers de Star Wars, ça dépend des endroits, mais là en plus on est dans le côté un peu impérial la plupart du temps, comme en fait, ou dans les cités comme sur Bespin et tout, on va croiser d'ailleurs des personnages comme Luke Skywalker, Lando Calrissian, il va avoir des missions avec eux. Comme en fait, c'est un univers qui est vraiment assez cubique, pas cubique, mais voilà, qui est très géométrique. Et bien, le jeu, avec quelques petits mods justement pour monter un peu les textures, et bien il a vraiment pas mal vieilli, même au niveau de ses. Que ce soit techniquement, graphiquement, et même au niveau des mécaniques de gameplay. Bon, ça reste du FPS de cette époque-là, mais franchement, c'est un jeu qui. On prend vraiment plaisir, et surtout à cette époque-là, Jedi Outcast est en 2003 sur Jedi Academy. Qui continue un petit peu le scénario principal, enfin qui prend la suite, on va dire. C'est la suite directe, ouais. Ouais, la suite directe, et qui pour le coup propose plein de missions différentes, donc voilà, c'est plus un aspect de mission, même s'il y a un fil conducteur. C'est que ça va développer quelque chose de super bien pour le multi. Le multi, ça va être très utilisé sur ces jeux-là. C'est qu'ils ont vachement amélioré les combats au sabre laser, et c'est un vrai régal pour le coup. C'est au niveau ouais. du combat laser, au niveau de ce qu'on va faire. Avec le clavier ou la manette, parce que ça sort aussi sur console, je suppose. J'ai pas trop vérifié, mais je suppose. Oui, c'est sorti sur Xbox et on peut faire voilà des combos, on a les sabres, double sabre, un sabre ouais. à chaque main. Enfin, c'est vraiment un régal de voilà, ça jamais, c'est pas que ça a jamais été égalé, mais c'est vraiment un régal. Et différents styles de combat avec le sabre. On se souvient qu'il y avait oui. un style classique, un style plus rapide et un style lourd pour faire de gros dégâts. Et oui, c'était bien, parce qu'il y avait aussi un système de parade qui était un petit peu mieux fait. Et de saut, on pouvait faire des sauts tout en frappant en même temps, il y avait une espèce de oui. où il y a le lancer de système de combo, hein. Les pouvoirs de la force étaient bien mieux exploités au niveau de l'attribution sur les touches, alors qu'avant, rien que pour faire un saut, il fallait cliquer sur un pouvoir pour faire un méga saut. D'ailleurs, on pouvait même par moment, des fois, attirer voilà. quelqu'un et l'empaler sur notre sabre, faire des combos entre oui. pouvoir et sabre, chose que sera repris, mais bien plus tard, puisque ça, c'est on est en 2002, avec par exemple ce qu'on peut faire comme combo dans. Donc, c'est en 2007, donc là, ça sera 5 ans plus tard, mais dans BioShock, on peut faire des combos entre les flingues et les plasmides. Et bien là, oui. déjà, en fait, quelque part, il y avait déjà ce côté-là de faire des combos en pouvoir de la force, par exemple, on peut prendre quelqu'un, le soulever avec la poignée de force, lui lancer le sabre en même temps, enfin, il y avait vraiment des choses, et ça donnait des parties, parce que même au niveau du feeling des armes différentes, ça donnait des parties en multijoueur qui étaient vraiment, enfin, c'était vraiment un vrai régal, et puis le level design permettait vraiment de jouer là-dessus, donc ça, oui. vraiment, c'est un outil qui était génial. Hein. À partir du moment où on récupérait le sabre, bon voilà, c'est pas un gros spoiler, mais au début, on n'a pas de sabre, tu peux vraiment faire tout le jeu rien qu'avec le sabre laser. Les autres oui. armes, elles existent. Ah, pour le jeu solo, oui. Oui, oui, pour le jeu solo, mais c'est limite anecdotique. Il y a un tel plaisir à tout faire au sabre que tu en oublies les autres armes. Et on peut vraiment faire tout le jeu avec le sabre. Surtout la fin, c'est oui. hautement recommandé. Oui, voilà, oui, il vaut mieux. Parce que sinon, après, nous on peut utiliser la force, les autres aussi peuvent utiliser la force. Voilà. Donc quand on lance une grenade ou une roquette et que le mec nous la renvoie dessus, effectivement, ça marche pas très ouais, bien. On peut pas trop faire du ping-pong, quoi. C'est plutôt Jokari non. dans le mur. en 2003, donc c'était Academy, en 2003 sort aussi un petit RPG. Par un petit studio ouais. qui s'appelle BioWare et qui s'appelle. De derrière les fagots. Exactement, on l'attendait pas du tout. On se dit, bon, c'est quoi un RPG action RPG. Qu'est-ce que c'est que ce truc. Quelle idée, pourquoi ça n'intéresse personne. Donc 2003, c'est la sortie de Knights of the Old Republic. Et donc c'est la première fois qu'on parle, ça a été mentionné des fois, mais c'est la première fois, même dans l'univers étendu, qu'on a vraiment. Ça se passe 4000 ans, parce que souvent l'univers étendu restait quand même dans la période de la fin de la République et en fait tout l'Empire Galactique et ce qui se passe après. On était jamais parti trop en arrière, là on part carrément. Presque 4000 ans en arrière, donc dans l'ancienne République, et puis vraiment il y a très très longtemps. Et donc Knights of the Old Republic, donc c'est un RPG de BioWare. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ce petit jeu-là? On dit petit jeu, mais c'était une ironie pourrie, évidemment. Bah, meilleur jeu Star Wars. Voilà. C'est moi aussi mon jeu préféré Star Wars. On va développer un petit peu. Déjà, alors, faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même deux projets en parallèle, mais on parlera du second un peu plus tard. Et donc là, c'est un gros RPG exclusivement solo. Il n'y a pas du tout de multijoueur. On l'attendait pas vraiment parce qu'effectivement, donc comme tu dis, ça se passe des milliers d'années avant. Et puis, c'est vraiment là où on va vraiment prendre conscience de la guerre qu'il y avait à l'époque entre les Jedi et les Sith. Parce que bon, les Sith, en fait, ça reste assez. Bon, maintenant on a vu les films en 2002, donc on en sait un petit peu plus, mais à l'époque les Sith on savait pas trop ce que c'était. Non, exactement. Même dans Jedi Knight, on dit pas les Sith, on dit les Jedi noirs. Oui. Donc, oui, c'était pas très voilà. défini, et on pensait que les Sith, il y avait fameuse, on en reviendra plus tard, mais la fameuse règle des deux, et ça va être expliqué, où en fait, il y a donc ce qu'on disait en début, quand on faisait nos vannes, hein, en début de ce podcast, c'est qu'il y a en fait, il y a le maître et l'apprenti, puis au bout d'un moment, l'apprenti va essayer de prendre la place du maître, est-ce qu'il arrivera ou pas, donc ils sont que deux. Mais c'est avant, la règle des Sith. Exactement, mais c'est la règle des Sith qui arrive après. Nous, en fait, dans ce jeu-là, l'Old Republic, les Sith, c'est un empire Sith. Et donc, Sith, c'est pas forcément être quelqu'un de la Force, c'est faire partie de l'Empire Sith. Il y a les vrais Sith qui sont, voilà, qui maîtrisent la Force, mais il y a les soldats. Il y a des soldats qui sont Sith parce qu'ils font partie de l'Empire Sith. Et tu dis que c'est tout nouveau, et c'est même quelque part, c'était un risque aussi. C'est tout nouveau, mais c'était un risque parce que les gens, ben, quand ils jouent Star Wars, ils pensent à ben, ce qui se passe, du coup, l'Étoile Noire, l'Empire Galactique, Luke Skywalker, Darth Vader, tout ça. Et là, on les balance dans un endroit où des planètes qui. Alors, il y aura Tatooine par exemple, mais Kashyyyk. La planète d'Ivuki, mais il y aura aussi des planètes qui ne connaissent pas et des personnages qui ne connaissent pas. Enfin voilà, donc il y a tout ça qui arrive en place. Il y avait Manaan, il y avait. Korriban. Korriban, voilà, le monde d'origine des Sith. Des Sith, de l'espèce Sith pour le coup. Ouais. Oui, tout à fait, de l'espèce Sith. Et voilà. Et oui, c'était. Alors déjà, c'était super beau. Ils s'appuyaient sur le. Au niveau du gameplay, ils avaient choisi d'utiliser le système D10 que les joueurs de rôle connaissent bien, parce que ça existe aussi sur papier. Donc, grosso modo, ça veut dire que c'est un jeu où on peut mettre pause quand on veut, et on va choisir les actions qu'on va faire. Donc, si on fait des attaques au sabre, si on veut se soigner, si on veut lancer une grenade, etc. Et le système de jeu D10, il est complètement transparent, c'est-à-dire que ça se passe derrière. Le système D10, en fait. C'est on balance des dés, c'est-à-dire qu'on va choisir une action en fonction des capacités et des caractéristiques du personnage qu'on a, donc qui va progresser, il va prendre des niveaux. Et bien, donc on va balancer des dés, on va rajouter ça à ses compétences, et bien ça va être un échec ou pas, et donc la quantité de dégâts qu'on va prendre ou subir va être variable. Mais voilà, c'est le fun du système sans avoir à balancer des dés et à calculer tout ça. Et c'est une totale réussite pour ce jeu. Ouais, c'est très bien intégré dans le jeu, à tel point que justement, tout ce qu'il y a derrière, ce que tu viens de raconter, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte quand on joue, parce qu'on est pris dans l'action. Donc effectivement, on peut la jouer plus stratégique, on peut aussi y aller de manière pas plus bourrine, mais je veux dire plus organique aussi, en moins gérant ces choses. Au niveau du scénario, alors on parlera après de sa suite, le scénario finalement est un très bon scénario, il est assez linéaire, mais même si donc, il y a plein de quêtes alternatives, mais je veux dire le scénario principal, mais c'est quand même quelque chose de très solide, il y a un côté en plus assez, même plus qu'assez, vraiment épique, et surtout les personnages sont très intéressants, alors il y a toujours il y aura le guerrier, le voyou, tout ça, mais en fait c'est très intéressant, ça creuse aussi le côté Jedi, il y a aussi Dantooine qui était, dont on parlait, la princesse Leia l'a mentionné dans le premier Star Wars, là on visite justement Dantooine, une planète où il y a une enclave Jedi. Et donc voilà, donc on va vraiment pas dévoiler le scénario, c'est juste que donc on joue quelqu'un qui au début se retrouve pris dans une espèce d'escarmouche et va devoir s'échapper d'une planète après avec l'aide de plusieurs personnages et donc d'une chevalier Jedi hein, qui s'appelle Bastila Shan, qui a un super pouvoir qu'on n'a jamais vu forcément dans l'univers canon pour l'instant, peut-être qu'il ressortira, qui est la Battle Meditation, donc méditation de combat. Méditation ouais. de combat, merci pour la traduction. Merci, je l'avais perdu en fait. Je fais mon Van Damme, je mélange le français et l'anglais. Mais Van Damme est un Jedi peut-être quelque part. Et donc en fait, il y a un pouvoir qui permet finalement de donner confiance aux soldats, c'est quelque chose d'encouragement à ça, c'est un truc très important qui peut changer. Pour les grandes batailles, il y a beaucoup de soldats, ils arrivent à mieux se coordonner, etc. C'est assez obscur dans le sens où on voit pas vraiment l'impact réel. Dans le in-game, on le voit pas. Ils nous le disent en fait, mais c'est pas montré effectivement. Voilà, c'est pas comme tirer sa chope de bière vers la force ou soudoyer quelqu'un via la persuasion. Bière corélienne, cela va de soi évidemment. De toute façon, la seule bière. Et corélienne. La CBR et corélienne, effectivement. Voilà. Donc c'est un petit peu obscur, c'est pas un défaut. Hein, Et puis ça permet justement de la mettre en avant, parce que c'est vraiment quelque chose de très rare à maîtriser. Et donc nous, on trouve ce personnage qui va se retrouver à avoir une affinité avec la force et à se lancer sur une quête qui est vraiment assez épique et se confronter donc au seigneur Sith qui s'appelle Malak, qui est un mec qui est assez. Qui en a gros comme on dit et qui veut un peu comme d'hab hein, il veut un peu régner sur la galaxie, il parle au travers d'une mâchoire, enfin il a plus trop de mâchoire parce qu'il s'était fait défoncer par son maître justement qui s'appelait Revan mais qui après il s'est retourné contre lui pour le tuer, tout ça, et donc voilà, c'est un peu la tout ça. La loi du maître et de l'apprenti. Exactement, et donc on a tout ça, et... Et les deux sont des anciens Jedi, il faut... Et les deux sont des anciens Jedi et tout ça, il y a vraiment tout un truc qui a été développé au niveau de ces deux personnages-là, et on peut dire, alors moi personnellement, c'est mon avis... Alors maintenant, c'est dans l'univers Legend, mais je veux dire, si le plus grand twist de l'univers Star Wars, c'est le Je suis ton père de Darth Vader, Darth Vader pour le dire en anglais, à Luke, je pense que dans ce jeu-là, Knights of the Republic, il y a pour moi le second plus gros twist. Oliver Twist. Le second plus gros twist de l'univers Star Wars pour moi, je sais pas si c'est d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est celui-là. Et quand tu refais le jeu, tu dis ah mais il y avait des... oui pour mais c'est tellement bien fait parce qu'on pourrait le deviner avant mais c'est tellement bien fait et c'est franchement c'est vraiment un super twist et c'est ça change vraiment tout et c'est génial vraiment c'est génial c'est génial tout à fait alors on va pas ça peut... ils ont fait aussi après un Knights of the Republic 2 on va en parler rapidement parce qu'après on va pas non plus passer 2 heures là-dessus alors 2 ans après alors faut dire que ceux qui ont fait... alors c'est là c'était BioWare KOTOR 2 parce que pour les intimes Knights of the Republic c'est KOTOR c'est le petit nom pour les intimes c'était BioWare et surtout les jeux les deux créateurs du jeu quand même c'est Casey Hudson et Drew Karpyshyn et c'est quand même les deux personnes aussi qu'on va retrouver sur la trilogie Mass Effect. Voilà, donc voilà, lead producer ou un truc du genre. Ouais, il est même il a écrit. Alors, Drew Karpyshyn, c'est plutôt lui qui a vraiment l'écriture de l'histoire et tout ça. Le mais Kazakhstan a fait un peu tout, il est vraiment un peu sur tout. Et donc voilà, ils se font la main avec le premier KOTOR, mais après, on va les retrouver justement sur Mass Effect. Et ça surprend pas, en fait, hein, du tout. Non. Bon, on va pas faire un spécial Mass Effect là, mais ça surprend pas. Et même au niveau de certains personnages, on sent qu'il y a vraiment leur patte. Il y a une patte BioWare au niveau des personnages, hein, on pourra en parler dans Dragon Age aussi. Avant qu'il se fasse savater par les conneries de EA, voilà, c'était le troll, c'est même plus un troll d'ailleurs, c'est la vérité malheureusement. C'est une vérité. Mais donc voilà, donc le KOTOR 2, en fait, ça se passe un peu après, on joue un personnage différent, et donc ça c'est Obsidian, donc pour le coup c'est pareil, c'est quand même des très doués du jeu de rôle, oui. Ils savent écrire. Et donc le jeu même en lui-même, ici l'histoire, l'arc principal en fait, est peut-être moins épique, et même le personnage qu'on joue, peut-être que, même s'il est intéressant, c'est quand même différent, il n'y a pas le même impact. Tout ce qu'il y a autour, par contre, est même supérieur au premier KOTOR, paradoxalement. C'est vraiment extrêmement bien écrit. Effectivement, c'est autant le premier KOTOR, c'était un jeu qui avait un scénario solide, et hormis le twist, finalement assez prévisible, mais très bien construit. Et là, dans le 2, ils ont vraiment pris des risques à faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. C'est un jeu qui est beaucoup plus sombre. Oui, c'est les arcs secondaires en fait. Il y a beaucoup d'arcs secondaires qui sont assez importants. Alors ça n'atteindra pas un niveau de par exemple The Witcher 3 récemment, où là c'est le top du top, on fera difficilement mieux. Enfin, si, quand ils feront Cyberpunk 2077. Mais il y a vraiment, comme tu le dis, il est très très sombre ce jeu. La première heure, on est une espèce de. C'est un truc pas à l'alien, mais une espèce de base un peu vide. Enfin, c'est complètement alien. Je crois qu'à l'époque j'avais fait un test écrit quand j'avais mon site. Et mon site internet, on avait notre site effectivement. Je me souviens de cette critique-là. J'avais mis dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et c'était totalement ça, parce que on se retrouve dans une base qui est complètement abandonnée, et donc là, faut apprendre ce qui s'est passé. Donc l'histoire va dérouler comme ça. On est en 2005, j'ai pas dit la date. Je suis désolé de te couper, mais c'est qu'on est 3 ans plus tard, 2005, donc il sort le jeu en même temps que. Et c'est peut-être pas. Alors il y a d'autres jeux qui sortent, mais bon voilà, il y aura un Revanche des Sith, parce qu'en 2005 c'est la sortie de la Revanche des Sith, qui est un film qui est sombre aussi quand même, qui est très très sombre, et donc c'est peut-être pas anodin aussi que finalement, la même année ils sortent ce côté-là, ce truc-là, et donc comme tu dis, oui c'est même le début, en fait on retrouve le vaisseau qu'il y avait dans le précédent jeu, il s'est passé, alors je sais plus, je crois qu'il s'est passé... Lebanhawk. Ouais, il s'est passé 3 ans je crois, entre les événements du... Oui, c'est 2-3 ans. Ouais, c'est pas énorme. Ouais. Je me rappelle plus exactement, mais. Oui. Et donc il dérive et ça fait vraiment, alien et même les planètes où on va en fait sont mis à part une ou deux. C'est la désolation. La guerre, a fait rage et voilà, il y a des, il y a des ferrailleurs un peu partout. Donc on retrouve des planètes qu'on avait visitées dans le premier, qui sont ravagées. Dans Twin, par exemple. Dantooine est ravagé, mais alors la plus marquante, je pense que c'est Korriban, où en plus de visiter une planète complètement déserte pour le coup, puisque les sites c'est vrai. Les sites perdent après la fin, on va dire, la bonne fin de KOTOR. Oui, parce que dans KOTOR, on l'a pas dit, on a vraiment un choix. Pour le coup, là, c'est nous qui choisissons vraiment de passer du côté obscur ou pas. Là, le jeu nous donne le choix dans KOTOR, en fait. Ouais, il y a un embranchement au crucial, on peut choisir. Quoi qu'on ait fait avant, on peut choisir. On peut modifier, ouais. Voilà, ça, c'était peut-être le plus gros défaut de KOTOR 1, finalement. On peut être le pire salopard pendant 35 heures de jeu, 40 heures de jeu, et bien à la fin, on peut complètement se racheter. Et donc, c'est un petit peu facile. Et justement, dans KOTOR 2, mais pour citer Georges Clooney dans Union Enfer, je suis peut-être un salopard, mais je suis pas un enfoiré. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est ça, c'est vrai qu'on peut être faire les pires immondices et en fait choisir finalement de finir de bien. Donc c'est vrai que c'était un peu le point. Ils avaient, tu parles de côté obscur et côté très sombre de KOTOR 2. Dans le KOTOR 1, il y avait vraiment une fin, mais qu'ils ont coupé en fait. Tellement, il y avait une fin qui était vraiment, mais. Où en fait finalement quasiment tout le monde mourait, enfin c'était en jeu un personnage féminin à la fin, c'était vraiment, c'était à s'ouvrir les veines, c'était vraiment un truc très très sombre, et ça il avait coupé, il y a des mods qui permettent justement de remettre tous ces trucs là en place, et dans KOTOR 2 le problème de ce jeu là c'est que justement il va sortir assez amputé malheureusement. Ils ont complètement précipité la sortie, probablement à cause du film, je sais pas trop. Exactement pour ça, oui, c'est pour le sortir en même temps que le film et tout. Et donc, il y a des modes, heureusement, maintenant, qui permettent de redévelopper et carrément des arcs narratifs, parce qu'il y avait des personnages du premier jeu qu'on recroisait, mais on ne le savait pas forcément, on pouvait s'en douter, mais on n'avait pas de réponse définitive parce que ça avait été coupé. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un peu dommage. Et il y a des fans, il y a des tarés, parce qu'en fait, tout a été coupé au niveau du montage, on va dire. Mais la plupart des fichiers étaient quand même présents sur les CD. Et c'est là que ça a mis la puce à l'oreille des gens. On dit, mais attendez, comment ça se fait que tout ça ne s'est pas exploité? Donc il y avait des planètes, il y avait des tas de dialogues, etc. Donc il y a des gens qui sont attelés à cette tâche qui était vraiment colossale, de rajouter tout ce qui avait été coupé, avec plus ou moins de succès au niveau technique. Parce que c'est quand même pas une mince affaire de faire un jeu de rôle, finalement. Ah non, ça c'est surtout à l'époque. Et voilà, c'est quand même. C'est réussi, en partie. Parce que bon, ça peut pas s'intégrer complètement au jeu, fatalement. Hein. Mais il y a quand même des arcs où ça fait quand même plus complet, tu comprends mieux certains. Il y a toute une. Par exemple, sans rentrer trop dans les détails. C'est sur Malachor à la fin. Ouais, voilà, où c'était rushé, même il y a des moments où on avait du mal à comprendre un peu, et c'est hyper important. Et Malachor en plus. Alors pour le coup, l'Ancienne République n'est plus considérée dans l'univers canon, hein, depuis que Disney a repris les rênes, mais il commence à faire des références, et dans un épisode de Star Wars Rebels, il se retrouve à... Alors c'est pas même Malachor, mais il parle de Malachor et tout ça. Donc on sent que ça commence à revenir et tout ça, donc voilà, c'est des choses quand même qui sont très importantes. Et pour le coup, les personnages du côté obscur qu'on croisait, c'était pareil, c'était des personnages qui étaient vraiment intéressants, vraiment développés. Il n'y avait pas que ce côté, en fait, dominer le monde, il y avait vraiment tout un... C'était vachement moins manichéen hein, que le premier, en fait. Ah oui, un des antagonistes principaux, qui finalement le vrai antagoniste, est un personnage ultra intéressant. On va pas dévoiler qui c'est, mais c'est un personnage qui est vraiment intéressant et qui a une vision de la force qui est vraiment intéressante et qui, à mon avis, pourrait se rapprocher peut-être de ce qu'on aura avec Snoke dans les films. Ce côté obscur, mais pas le côté forcément, comme tu dis, ultra manichéen. C'est vraiment. Voilà, on fait pas des trucs méchants parce que je suis méchant, c'est toujours réfléchi, c'est toujours intelligent. Et c'est pour ça que ça en fait un personnage qui est assez. Ambigu, on va dire, un peu neutre au niveau de l'alignement, c'est ni clair, c'est ni obscur. Voilà, c'est la force, elle existe des deux côtés, et puis on peut s'en servir. En fait, surtout, c'est que la force, on verra dans les films, mais c'est que la force, en fait, c'est la force, il n'y a pas la force bonne et la force mauvaise, c'est ce qu'en font les gens, mais en fait, la force, c'est la force, quelque part. C'est ça. Donc, c'est de plus en plus vers ça que tend ce qu'ils font maintenant, d'ailleurs, dans Star Wars. Donc, bon, voilà, après, bon, on va pas non plus en faire des caisses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à cette époque-là, les musiques aussi, on l'a pas dit pour le premier KOTOR, mais pour le coup, ils mettent aussi des musiques originales. Ils se contentent plus de reprendre le. Ouais, de reprendre. C'est Jeremy Soule qui avait fait celle du premier. Exactement, donc hyper connu par exemple parce que c'est lui qui va faire la musique de tous les Elder Scrolls à partir de Morrowind, donc Morrowind, Oblivion, Skyrim évidemment, donc un super compositeur qui est vraiment très bon. Et dans le 2, c'est Mark Grisky, et alors on va pas faire tout un truc sur musique de jeux vidéo, mais dans les Star Wars depuis lors. On retrouve toujours les mêmes compositeurs qui maîtrisent vraiment bien. Alors à la fois ils reprennent des thèmes connus qu'ils réarrangent, mais ils font aussi des thèmes tout nouveaux. Donc on aura donc Mark Grisky qui bossait là-dessus. On aura aussi par exemple Jesse Harlin ou Gordy Abe. C'est vraiment les trois noms qui reviennent souvent sur les jeux Star Wars. Et si vous pouvez trouver Sur YouTube, on peut les trouver en fait, les musiques de tous ces jeux-là, ou même des jeux plus tard hein, qui vont suivre, dont on va parler là après. Franchement, il y a des super musiques, c'est du super travail, et ils ont vraiment su prendre l'esprit Star Wars, mais pas faire qu'une repompe, donc c'est vraiment très, très intéressant, quoi. Et par contre, on parle donc de tout ce qui est multijoueur, on va quitter le côté un peu solo pour parler de... On va revenir un petit peu en arrière. En 2003, je crois, donc comme c'est le coup, ça. Avec un jeu... La même année. Tu vas pouvoir en parler, un jeu qui, quand même, qui est très important pour le coup quand il sort. Hein. C'est un projet très important. Alors j'en parle un peu malgré le fait que je n'ai pas pu y jouer parce que... pour des tas de raisons techniques. Ouais, mais t'étais en fait bien plus hypé par ça, voilà, que moi. Moi j'avais pas d'internet. Oui. À l'époque, donc... Ouais, franchement, j'aurais voulu y jouer. Donc c'est Star Wars Galaxy, un MMORPG. Donc jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Donc sorti en même temps que KOTOR. Un jeu extrêmement ambitieux, extrêmement complet. Alors pour recadrer sur l'historique des MMO, donc ça sort quand même un an avant le World of Warcraft qui va tout raser sur son passage. Et donc World of Warcraft qui va quand même, on va dire, installer certains codes au niveau du gameplay pour avoir un gameplay assez solide. Star Wars Galaxy sort avant ça. Et donc il a un système fatalement très différent, très complet, complexe. Donc il y a un système de classe qui est vraiment compliqué. Il y a énormément de métiers. Ils ont vraiment orienté le truc justement pour éviter qu'il y ait une tripotée de Jedi sur les serveurs. Pour être Jedi, et ben ça se méritait et il fallait jouer un sacré paquet de temps. Et c'est tant mieux justement parce que ça donnait une certaine cohérence à l'univers. Alors pour le coup, ça se passe pas du tout à l'époque de KOTOR, ça se passe vraiment à l'époque des films, ça reprend vraiment l'univers du film avec les Stormtroopers, etc., etc. Et donc d'où l'intérêt justement d'avoir peu de Jedi sur les serveurs, parce que ben, dans le film, il y en a deux à tout casser. Ben oui, en théorie, il n'y a plus de Jedi. Et cas, voilà, il n'y en a plus. Que l'on sache, ou à moins que Yoda dise n'importe quoi. Mais après ceci dit, on pourra toujours dire qu'il n'y a plus de Jedi, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des Force User ou Force Wielder, ouais, des gens qui maîtrisent la Force et qui peuvent, voilà, qui ont l'affinité à la Force, mais qui ne suivent pas le code Jedi ou le code Sith, qui peuvent avoir fait leur sabre laser et tout ça. Donc ça, on peut prendre en considération. Mais effectivement, c'était quand même quelqu'un qui... parce qu'il y a rien de plus insupportable quand même dans un jeu comme ça d'avoir toujours les mecs qui font les gros billes. Ouais. Donc c'était vraiment, ça partait. Il y avait vraiment de très bonnes idées et c'est là qu'on voit que les mecs, ils avaient essayé d'être précurseurs. Bon, malheureusement, je crois que le jeu... Et malheureusement, c'est un petit peu ça, parce qu'en 2005, alors je sais pas si c'est justement pour se caler par rapport à World of Warcraft, parce qu'il faut rappeler que ces jeux-là, ils sont payants, il faut un abonnement mensuel qui est entre 10 et 15 euros, grosso modo. Et en 2005, World of Warcraft est arrivé, il s'est installé, il est en train de tout défoncer, les MMO, grosso modo... Se cassent la gueule ou ne survivent pas bien longtemps. Et peut-être qu'à cause de ça, donc ils ont complètement resimplifié le système de jeu, donc le système de classe qui faisait toute la richesse du jeu, et bien en fait ils l'ont foutu à la benne. Et pour prendre quelque chose de beaucoup plus simple, plus carré. Et donc là, ça a provoqué un certain mécontentement parmi les fans qui jouaient et qui faisaient tourner la boutique. Et parce qu'ils avaient investi beaucoup de temps, en plus les mecs avaient des fois jusqu'à paramétrer leur personnage, c'était vraiment... Parce qu'au niveau de la personnalisation des persos, c'était vraiment, pour l'époque, c'était pas mal du tout. Hein. Ouais, ils avaient vraiment fait un effort sur la cosmétique. Il était beau techniquement, alors ensuite il fallait une machine de compétition. Je me souviens, j'avais testé, il fallait vraiment une bête de course. Et toujours est-il que bon, le jeu, donc il a quand même... il a eu plein d'extensions, finalement il a réussi à survivre malgré sa simplification en 2005, donc assez tôt dans la durée de vie du jeu. Donc il a survécu jusqu'en 2011, donc juste les serveurs ont fermé en décembre 2011, donc c'est juste après la sortie d'un autre jeu en ligne. Et oui, pour ça, on va en parler plus tard. On va en parler. Celui-là, parce qu'il faut quand même préciser que ce jeu, en fait, il survit grâce à une communauté de passionnés. Si on possède encore le jeu, là pour le coup, il faut vraiment l'avoir acheté à l'époque parce que forcément, il ne se vend plus aujourd'hui. C'était édité par Sony, donc c'est plus disponible à la vente. Eh bien, il y a encore des fans qui font tourner des serveurs de Star Wars Galaxy. Il y a même une communauté française qui existe. Et justement, ben, on a le choix. C'est soit on peut jouer sur des serveurs qui intègrent toutes les modifications apportées au jeu, donc avec la dernière version qui datait donc de 2011, ou alors, eh ben, pour les nostalgiques ou les vrais, comme ils diraient, ben, on peut jouer à la version avant ce rééquilibrage de 2005 pour avoir une expérience de jeu la plus complète. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça. Alors, autre jeu qui est encore vendu de nos jours, et ça, mais pourquoi Pourquoi sort aussi en 2005, c'est Battlefront 2. Alors, le vrai, non, voilà, ça c'était le 3, le vrai Battlefront 2. donc voilà, ce jeu-là, alors, il est encore vendu de nos jours. Et alors, pourquoi? Tu vas m'expliquer déjà pourquoi se poser la question de pourquoi ce jeu est encore vendu? Parce qu'il y a une raison. Bah, pourquoi? Parce que déjà, c'est un jeu, donc c'est un FPS, on va dire, massivement en ligne. Parce que Battlefield était sorti quelques années auparavant et c'était une réussite totale. Il y avait plein de véhicules, il y avait plein d'armes, etc. Et ça marchait super bien. Donc Star Wars a surfé sur cette vague en sortant un premier Battlefront, si je dis pas de bêtises, en 2003. Ou 2004 peut-être même. Ou 2004. Et ils ont sorti Battlefront 2, donc oui, c'est ça. Un an après, ça marche bien, ça s'appuie énormément sur l'univers de la prélogie. Et pourquoi se vend-il encore aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que les serveurs, ils ont fermé, mais il y a une belle lurette. Et on trouve encore régulièrement ce jeu soldé pour une bouchée de pain. Alors, C'est les mecs de EA, ils disent « Ah, achetez Battlefront 2 !» En fait, ouais, voilà. Ou alors il y a des gens qui se plantent, ils disent « Ouais, Battlefront 2 à 2€, mais c'est pas cher !» Je sais pas, à moins d'avoir plein d'amis. Battlefront 2 à 2€, c'est moins cher que les micro-paiements et les loot box. Voilà. Ah oui, bah pour 2€, on a une loot box dans Battlefront 2. Ah, c'est cool, hein. Ouais, c'est compliqué à suivre. Et ça serait encore mieux qu'en loot box, en fait, tu gagnes pas des personnages, tu gagnes Battlefront 2, mais l'ancien. C'est le truc horrible, ouais. Le gros troll de EA, tu sais. Ah, ben non, vous avez gagné Battlefront 2, mais vous pouvez pas y jouer parce qu'on a pas de serveur. Bon, en même temps, chez EA, nos serveurs, c'est des fois la merde, donc. Bref. Ouais. C'était pour la petite blague sur Battlefront. Voilà. 2005, on va passer rapidement, mais il y a aussi un autre FPS qui sort qui s'appelle Republic Commando, que moi j'ai fait pour le coup, que j'avais vraiment trouvé sympathique. Donc un FPS qui sort sur PC, sur Xbox aussi, et qui nous met dans la peau en fait d'un commando de troopers, donc de clones. Donc les clones d'élite, parce que 2005 aussi, non, c'est plus tard en fait qu'il y aura la série Clone Wars, ce sera en 2008. Mais donc voilà, donc là c'est vraiment un FPS pur, hein, il n'y a pas de Jedi ni quoi que ce soit. Il y avait un scénario qui n'était pas extraordinaire, mais qui appelait à une suite. La fin est un peu rushée. Et donc on avait différents planètes là aussi qu'on découvrait, un bon FPS qu'on faisait. Donc on avait une escouade, ce qui fait qu'on pouvait donner des ordres aussi. Enfin, c'était vraiment assez intéressant. Avec pareil, on joue contre les séparatistes, donc il y a les droïdes, mais pas que, il y a aussi des espèces aliens, donc séparatistes. Et une super musique, je parlais tout à l'heure de Mark Grisquet, là je vais parler donc de Jesse Harlin. Si vous pouvez écouter la musique de Republic Commando de Jesse Harlin, il y a pas mal de chœurs, et les chœurs en fait, les voix, c'est qu'il a utilisé le langage mandoan. Et le mandoan, en fait, c'est le langage des Mandaloriens, puisque les Mandaloriens, c'est un peuple en fait d'univers Star Wars qui est sup. Il y a vraiment toute une histoire très intéressante autour de ces gens-là. Pourquoi Mandalorian? Parce que Jango Fett, qui est la personne qui a été clonée hein, pour faire les clones, il est d'origine Mandalorian. C'était un chasseur de primes Mandalorian. Bon, je ne vais pas revenir trop sur les Mandaloriens là-dessus, mais en tout cas voilà. Donc les chœurs, la musique est vraiment super bien. Le jeu était vraiment assez sympa. Il a pas trop mal vieilli lui non plus. Donc voilà. Donc Republic Commando, c'est en 2005. Il y a aussi les premiers jeux Lego Star Wars qui sortent en 2005. Eh oui. Et il va en avoir plein d'autres. Alors là. Tu vas te donner juste. Moi, j'ai, c'est sympathique, mais j'ai jamais trop testé Lego Star Wars. J'ai joué un petit peu, donc. C'est bien fait, c'est rigolo. C'est l'univers Lego où, en fait, on peut casser des tas de trucs pour récupérer des petites briques. Ça reprend complètement la trame narrative de tous les films. Parce qu'en 2005, ouais. Celui qui sort, c'est. C'est la prélogie. C'est la prélogie. Et forcément, ben, ça marche super bien. Donc en 2006, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font la trilogie originale. Quelques années après, ben, ils feront l'intégrale, etc. Ben, ça sort, ils en font encore, façon maintenant. Force Awakens est sorti. Ben, chaque film aura droit à son Lego. Rogue One, qui, c'est quand même différent. Oui, il est peut-être moins drôle, celui-là. mais c'est sûr que l'an prochain, on aura un Lego Star Wars 8, c'est sûr et certain. Et donc voilà, donc c'est bien fait, c'est très drôle. On peut jouer à plusieurs, à deux sur le même écran. Il y a énormément d'humour, mais des trucs, franchement, mais c'est débile, tellement tu te dis, que ça va pas en cette scène. Par exemple, la menace fantôme au tout début, quand Qui-Gon et Obi-Wan ils sont enfermés dans la salle où on balance du gaz, donc on a la possibilité d'utiliser la force sur tous les objets pour faire jaillir des pièces de Lego. Et là, quand tu utilises la force sur la table, t'as les chaises qui dansent et t'as la musique de la cantina. Tu te dis, mais oui, comment c'est possible? Comment ils ont eu l'idée de mettre un truc aussi absurde dans une scène où t'es sur le point de mourir dans le film? En fait c'est limite, c'est un peu comme, je sais que tu connais ça, le fameux Darts Android, c'est le site que je conseille à tous ceux qui comprennent bien l'anglais. Darts Android, c'est des jeux des rôlistes qui, en reprenant des screenshots des films, ont créé toute une histoire de gens qui jouent à un jeu de rôle qui s'avère être les films Star Wars. Donc je conseille ce site-là de Darth Android. Ils continuent à le faire, là, ils sont en train de faire Rogue One. Et c'est vraiment super drôle. Et donc voilà, c'est à la fois sur les codes du jeu de rôle, Star Wars, ils font des blagues et tout ça. Enfin, ils changent toute la trame, puisque finalement, en fait, il n'y aura même pas la Death Star, ce sera plutôt l'étoile de la paix. Les méchants ne sont pas les mêmes. Ils mélangent les noms des... Ils ont mis Cal Katarn dans Rogue One, qui est en fait un autre personnage. Enfin, ils mélangent tout, ils font plein de clins d'œil, c'est vraiment super sympa. Donc si vous maîtrisez bien l'anglais, les premiers étaient traduits en français, mais après non. Et vraiment, Darts and Droids, ils ont aussi une page Twitter, page Facebook, je sais pas quoi. Suivez, c'est vraiment super drôle et c'est vraiment fun. Donc effectivement, Lego, c'est un peu du grand n'importe quoi. C'est fun, voilà. C'est fun, il faut pas le considérer comme autre chose. Mais c'est vraiment fun. C'est vraiment apprendre comme c'est au premier degré. Et donc c'est une série qui, bon, il y en a tout le temps. Depuis, c'est 2005 et là, ils continuent à en faire tout le temps. 2006, on va passer donc à ton genre que tu maîtrises bien et que je ne maîtrise pas du tout, je suis une vraie pompe. Ouais. Stratégie, alors, parce que cette fois-ci, là, on a un vrai bon jeu de stratégie qui sort. Ouais, Empire at War, donc stratégie temps réel, donc bon, effectivement, c'est en 3D, mais au niveau du plan, c'est quand même en 2D isométrique. C'est le dernier STR sorti sur Star Wars et c'était le meilleur, tout simplement, le meilleur de ce qu'ils ont sorti. Bon, en même temps, ils ont sorti 3-4, donc c'est pas non plus la panacée, mais il était bien. Ça prend place juste avant donc l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, et ça rajoute des c'est du détail pour certains, mais bon, franchement, ça fait sens finalement. Ça va raconter comment la rébellion s'empare du dernier prototype impérial. Et prototype impérial, et bien c'est le X-Wing. Le X-Wing, c'est pas du tout une création de l'Alliance Rebelle, mais c'était un prototype impérial qu'ils ont volé. Et dans la même veine, ils vont sauver aussi donc les Mon Calamari. Les Mon Calamari, donc c'est l'espèce de l'amiral Akbar, par exemple. It's a trap. En fait, j'ai dit ça, mais je suis sûr que dans la vidéo du podcast, je mettrai peut-être l'extrait, donc c'est peut-être stupide de l'avoir dit là. Mais en tout cas, oui, les Mon Calamari, effectivement, qui sont une espèce de l'espèce un peu amphibienne, en fait. C'est ça, ouais. Ils vivent sous l'eau. C'est un peu poulpe. Et non, mais oui, oui. Et aussi dans des croiseurs lourds qui portent leur nom. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est le gros vaisseau amiral de la flotte rebelle qui a des formes un petit peu rondes. Il n'est pas du tout cubique, taillé à la serpe comme les autres. Non, tu me disais qu'il ressemblait un peu à des espèces de baleines, mais c'est un peu ça en fait. Eh ben oui, c'est un peu ça. Donc c'est fait exprès. On le voit dans Rogue One récemment, mais évidemment le plus connu c'est celui-là qu'on voit dans Retour du Jedi. C'est ça. Donc voilà, un bon jeu, jouez-y, on le trouve encore facilement. La campagne solo est bien, donc ça mêle les combats qui se passent donc au sol, en 2D entre guillemets, et ceux qui se passent dans l'espace. Et non, franchement, c'est bien fait. J'aurais bien voulu qu'ils fassent autre chose, mais au niveau des STR, malheureusement, c'est raté. Il y en a plus. Et donc, alors là, il faut dire qu'on est en plus en 2006, donc 2005, c'était la revanche des Sith, et à ce moment-là. Pour nous et pour tout le monde, pour George Lucas, on n'aura plus de films Star Wars, hein, c'est définitif, il n'y aura plus de Star Wars à cette époque-là. Il y avait 4, 5, 6 sorties, on a fait 1, 2, 3, donc la boucle est bouclée, il a fait ce qu'il voulait faire. Et c'était donc fini, la seule chose qui existait, qui se lance là, en 2006, qui va se lancer en 2008, et c'est pour ça qu'on va avancer un petit peu au niveau des jeux, alors il y en a d'autres, on va pas tous les citer, en 2008, et donc il lance un nouveau Clone Wars, il y avait un Clone Wars, une mini-série en fait, qu'ils avaient fait plus tôt. Là, ils vont lancer une série qui va durer, qui sera arrêtée plus tard, mais qui va durer assez longtemps, qui est une série considérée comme canon. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe dans l'univers des Star Wars de maintenant, depuis que Disney s'occupe de tout ça, c'est considéré comme canon. Je dirais jamais à quel point, alors les premières saisons, il y a des épisodes qui sont... C'est un peu pour les enfants, mais franchement, après, ça se développe vraiment. Et je dirai jamais à quel point cette série est ultra importante. Elle relève vraiment le niveau de la prélogie. On comprend tout ce que voulait raconter George Lucas dans cette histoire-là, et on se rend compte que 3 films, c'était pas suffisant pour tout ce qu'il voulait dire. Et c'est peut-être pour ça que ça paraît un peu bancal. C'est une super série, ça développe les personnages, ça amène un personnage qui au début semble tête à claque et qui en fait est un des meilleurs personnages de l'univers Star Wars. Donc comme quoi. Et donc voilà, et donc au niveau des jeux, donc on a plein de jeux qui vont sortir. Donc on va avoir un jeu justement Clone Wars forcément, qui va sortir. Et donc plein de jeux Clone Wars, on va avoir aussi des Battlefront aussi qui vont sortir, blablabla. Et ils vont aussi faire, parce que c'est l'arrivée aussi des petites consoles... qui ne sont plus next-gen, mais qui s'appellent par exemple la PlayStation 3 ou la Xbox 360. Et donc ils vont faire un jeu pour qui, à l'origine, il y a un scénario, mais c'est aussi une vitrine technologique qui s'appelle... Le pouvoir de la Force, The Force Unleashed. Bon, tu veux nous en parler, le premier sort en 2008, je crois. 2008, ouais. 2008 ou 2009, ouais, 2008. Et comme tu dis, ouais, c'était... le jeu Star Wars qui devait en jeter sur un nouveau format sur PlayStation 3, et effectivement s'en jeter graphiquement, c'était magnifique. Donc le style, c'est un jeu d'action à la troisième personne, c'est une sorte de beat'em all, ouais, oui, le voilà, but c'est vraiment de balancer du sabre et des pouvoirs, quoi. Voilà, on va incarner un personnage qui manie la Force et qui va absolument tout défoncer sur son passage, que ce soit les personnages ou aussi le décor. On peut énormément jouer avec le décor, on peut faire tomber des trucs avec la Force, etc. D'ailleurs, pour la promo du jeu, ils avaient montré un trailer qui déchirait aussi, où on voit ce fameux croiseur qui est en orbite basse, on va dire, et on voit qu'il commence à pencher. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est le mec qui l'attire par la Force, voilà, pour le faire se cracher sur la planète. Alors c'est un truc qui est jouissif à faire. Mais que moi, ouais, je peux pas. Voilà, en tant que fan de Star Wars, peux pas accepter ça. En plus que ce soit un espèce d'apprenti de Darth Vader, mais même pas Darth Vader qui fasse ça. Voilà. Après, c'est vraiment jouissif à jouer, mais voilà, ce truc-là, moi, ça, je peux pas. C'est mon côté trop intégriste là-dessus. Mais après, c'est vrai que ça en jetait plein. Donc l'histoire rapidement, on joue un apprenti formé par Darth Vader en secret parce qu'il veut plus ou moins, peut-être inverser l'empereur, quoi. Ouais, c'est à la fin de la mission d'introduction où on dirige Dark Vador. Et ça aussi, c'est pour une intro, voilà. Ça pose ambiance. Donc il est en train d'éradiquer une petite cache rebelle sur je sais plus quelle planète, je ne sais pas. Et c'est Endor, pas sur Kashyyyk, je crois. Ouais. Il y a pas des Wookiees. Peut-être, c'est un truc forestier. Ouais, c'est forestier, ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc il y a un Jedi, et il lui dit « Mais où est ton maître ?» Et le Jedi dit « Non, mais mon maître est mort, t'as perdu ton infinité avec la Force, c'est même pas reconnaître un Jedi quand tu l'as devant toi. » Et finalement, donc il y a un gamin qui a 4 ans, il voit un potentiel énorme, donc il décide d'éliminer absolument tout témoin, donc même les Stormtroopers qui sont là, il les taille en pièces. Et il va prendre ce gamin sous son aile, parce qu'il sait qu'avec lui, il pourra faire deux grandes choses, et donc, je sais pas, une quinzaine d'années plus tard, on incarne l'apprenti ce gamin. En mission pour Vador. On croise des personnages. Toujours top secrète. Et après, le scénario en lui-même de ce jeu-là est quand même pas trop mal. Voilà, il y a une pilote de l'Empire, il va se passer des choses. Il y a aussi le Jedi Shakti. Donc, Shakti, c'était un Jedi en fait qu'on voyait mourir en fait dans l'épisode 3, parce que ce jeu se passe un peu après l'épisode 3, enfin le début du moins. Et ça passe entre 3 et 4, quoi. Et en fait, on l'a envoyé dans une scène qui a été coupée, se faire tuer par Grievous. Donc là, en fait, comme ça a été coupé, que sa mort n'était pas définitive, ils l'ont mis dans le jeu et tout ça. Donc le scénario lui-même, voilà, c'est super bien, mais c'est surtout plus le côté vraiment. Les musiques, pareil, composées par Mark Riskey aussi et Jesse Harlin, qui sont vraiment bonnes. Le scénario est assez sympa. Le personnage principal n'est pas hyper charismatique, mais l'acteur qui le double est vraiment bon, c'est Sam Witwer. Donc c'est un mec qui a joué par exemple dans Battlestar Galactica. Et c'est aussi un gars qui a doublé, il double par exemple Darth Maul, Palpatine dans la série Clone Wars. Donc oui, parce que Darth Maul n'est pas mort, c'est un spoiler les gars, je vous le fais, mais bon, ouais, ça n'est pas surpris. Comme ça vous allez dire, mais quoi, comment ça il est pas mort? Regardez Clone Wars, voilà, je touche pas d'argent pour faire la promotion de cette série, mais en tout cas c'est un super acteur, et donc le jeu était bien. Et comme tu dis, quand même, c'était vraiment le côté technologique, le côté, voilà, pareil, jouissif de jouer avec les pouvoirs, le sabre, encore plus que dans les vieux Jedi Knight, Jedi Outcast, quoi. C'est vraiment voilà, on passait vraiment bon moment. Il y avait un système de combo. C'était une époque aussi où il y avait des jeux qui marchaient très bien dans le genre. T'avais la série des God of War qui était extrêmement bien calibrée au niveau du gameplay. T'avais tout un système de combo à débloquer, etc. C'était vraiment jouissif et ils ont réussi à faire du pouvoir de la force un bon jeu, oui. Alors il y a des défauts toujours, effectivement, les caméras, etc. Bon, bref. Mais franchement, une bonne expérience. Non, c'était vraiment agréable. Ouais, voilà. Ça suivait une bonne aventure. Il y avait une petite particularité aussi à l'époque, c'est que donc, le jeu il sortait sur énormément de plateformes, donc Xbox, PS3, Wii. Ça sortait encore sur PS2. Et en fait, chaque console avait droit à son propre petit niveau particulier. Sur PS2, on avait traqué un Jedi sur Coruscant, je crois, je sais plus trop. Sur PS3, c'était autre chose, etc. Donc mis bout à bout, et bon. Et d'ailleurs, pour mettre ça rajoutait plein d'autres choses. Déjà, ça me permettait de mettre plusieurs trucs. Et en plus, ils avaient fait aussi autre chose pour promouvoir le personnage, c'est qu'ils l'avaient mis dans. Oui. C'était le Soul Calibur 4, je crois. Ou 3, ouais. 4 peut-être. Alors 4. Je crois que ouais, c'était le 4. Alors sur Xbox, alors si je dis pas de bêtises, il y avait Yoda qui était jouable. En fait, sur Xbox, tu avais Yoda de base dans le jeu. Voilà. Et sur PS4, tu avais Darth Vader. Et en fait, l'apprenti, il fallait faire le scénario principal de tout Soul Calibur pour pouvoir le débloquer. Parce qu'en fait, il est overcheaté en fait. Oui. Et en fait, il défonce plus que Darth Vader, ce que je ne supporte pas. Voilà, je suis désolé, je suis intégré sur ça, mais voilà. Mais oui, il était quand t'as l'apprenti, après c'est limite, voilà, le mec il en envoie dans tous les sens. Et donc bon, on va passer rapidement sur un jeu Wii qui s'appelle Clone Wars Lightsaber Duel pour jouer avec les Wiimotes. Bon, ben voilà, c'est super cool, hein, les gars. Ouais, avec la Wiimote et les Nunchuk. On va passer un jeu Nintendo, bon voilà. Oui, on va pas critiquer, mais bon. Les fans de Nintendo apprécieront. C'est toujours sympathique, pourquoi pas. On va donc très rapidement passer, parce que la bonne idée c'était de faire le pouvoir de la force. La moins bonne idée c'était peut-être de faire le pouvoir de la force 2. Qui va sortir en 2010, hein, 2 ans plus tard. Oui, ils ont fait une édition en 2009 qui sort aussi sur PC avec tous les trucs. Et sur PC, c'était injouable. Une purge. C'était une purge. Ah oui, le portage PC était ignoble, je l'avais testé. C'était. C'était l'horreur. C'était une blague totale. Mais c'était la période de toute façon où les jeux ils commençaient à mettre plus de budget sur les consoles. Et des fois, ils faisaient des portages PC vraiment dégueulasses. Celui-là, il en faisait partie, c'est sûr. Celui-là était vraiment ignoble, mais vraiment de chez ignoble. Hein, c'est vraiment une honte. Moi, je l'ai fait d'ailleurs, le jeu, quand je l'ai fait. Je voulais le faire d'abord sur PC, et je l'ai fait justement plus tard, en l'achetant d'occasion sur Play, quoi, parce que sur PC, c'était horrible. Donc, on va rapidement passer en 2010. Donc, ils font le pouvoir de la Force 2. Et là. 2, ça veut pas dire deux fois mieux. Hein. Non, 2 c'est la note qu'il a dû avoir ou que je pense qu'il devrait mériter. Ouais, je pense qu'on lui donnerait 2. Ouais, sur 100, ouais, c'est ce qu'il mérite. Sur 20. Ouais, non, ouais, sur 100. C'est que juste, alors c'est pas qu'il est mauvais en termes de jeu pur, c'est que là, en termes de. Non, c'est la même chose. De scénario, c'est vraiment. Ils font n'importe quoi par rapport à ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Il y a des histoires de. En fait, c'est un. Quand j'essaie d'expliquer l'univers Legends, c'est l'univers étendu, donc il y a eu des super trucs décrits, mais il y a eu des trucs n'importe quoi, genre des clones de Luke qui s'appellent Luke avec 2 U. Je dis pas des bêtises, ça existe vraiment, vous pouvez vérifier. Il y a aussi des espèces de lapins mercenaires de l'espace, ça existe aussi. Palpatine qui a fait des clones de je sais pas quoi, où il y a des zombies troopers qui attaquent et tout ça. Enfin bref, il y a eu du grand n'importe quoi. Et le pouvoir de la Force 2, quelque part, le scénario, eh ben, ça finit. Alors surtout si on finit du côté obscur, ça part dans le grand n'importe quoi. Et donc voilà, les histoires de clones, mais de trucs de mémoire et tout. Enfin. Ils essaient de tout rattraper, c'est du Nawak, c'est vraiment ça traduit un peu le côté grand Nawak. Ils ont fait d'ailleurs un add-on plus tard qui va sortir, où on joue donc le nouveau personnage, qui est pas le personnage du 1, mais qui en fait est un clone différent, méchant. Et donc le dernier DLC, ça finit, on va buter tout le monde, donc il faut qu'on aille tuer Han Solo, Chewbacca, et se friter avec la princesse Leia, qui maîtrise la force et le sabre laser. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à... ne pas y jouer. À ne pas y jouer, mais regarder des vidéos. C'était quand même assez. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais voilà. Alors c'est pareil, je suis peut-être trop attaché à Star Wars, mais là c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et bon, voilà quoi. On va passer rapidement. C'est dommage. Parce que sur le premier, finalement, ils avaient de bonnes idées en essayant d'intégrer des des trucs au film, donc parce qu'on voit la princesse, on voit la rébellion qui s'organise, et c'est via donc le premier jeu où on découvre le symbole de la rébellion. Voilà. Alors dans tout ce qui est univers, Legends, hein. Je reviens toujours voilà, dans cette classe. Dans Legends, effectivement, donc on se dit, ben, pourquoi pas, ça s'inscrit bien. Mais alors là, d'avoir mais fait surtout ça, surtout qu'ils avaient fait la fin du jeu, si on finissait la fin du côté, on va dire, lumineux, enfin voilà, il y avait une fin qui clôturait vraiment l'histoire, il n'y avait pas besoin d'en rajouter en fait. Ça faisait un truc en particulier qui était vraiment, vous voyez, vraiment un scénario sans surprise extraordinaire, mais qui était vraiment assez intéressant. Et là, ils ont voulu en remettre par-dessus. Bon, bref, on va pas s'apesantir. C'était pas terrible. En plus, on a perdu trop de temps. Là, on fait trop long. Je dis à chaque fois, je fais trop long, mais c'est pas grave. Bon, si vous êtes encore là, réveillez-vous. On va faire venir une danseuse Twi'lek qui va venir danser sur une votre chanson, écran. Qui va venir danser sur une chanson de Snice Noodle. Ça, c'est le mec qui veut placer ses références Star Wars pour faire ah, je maîtrise, tu vois. C'est ridicule. Quel show off. 2011, on va parler. Alors, il y a d'autres jeux, Lego Star Wars, tout ça. 2011, on va quand même rapidement parler de ce jeu, justement, de rôle en ligne qui s'appelle The Old Republic. Star Wars The Old Republic. Donc, les serveurs ont ouvert, je crois, en novembre 2011. Donc un mois avant la fin de Star Wars Galaxy. Donc c'est vraiment la relève du... Enfin, ils misent vraiment là-dessus pour faire un jeu de rôle. C'est pour ça qu'ils ferment Star Wars Galaxy, d'ailleurs. Eh oui, logique. Enfin, de toute façon, techniquement, il n'y avait pas photo. Fallait vraiment du 109. Et on retrouve BioWare et d'ailleurs un peu Drew Karpyshyn sur certaines trucs. C'est hein. Ça. Donc ça reprend l'histoire de KOTOR 1 et de KOTOR 2. C'est la suite. Ça se passe combien 200 ans après 300 ans après. 300 ans après. 300 ans après. Alors c'est un jeu déjà qui se symbolise au tout début, avant même qu'il sorte. Et ça marche encore parce que il faut vous le dire, les cinématiques Old Republic, enfin les trailers cinématiques, on a envie que ce soit des séries, des films, enfin, ça défonce. Ouais. Déjà. Ouais, franchement, les trailers, enfin quand le premier trailer est sorti, il y a des gens qui ont dit c'est mieux que la prélogie elle complète. Bon, c'était l'attaque du temple Jedi, c'est ça, c'est Coruscant. Ouais, voilà, c'est pas comparer un trailer de 2 minutes avec trois films de 2 heures. Mais là, c'était bandant, si vous me permettez le terme. Mais moi je te permets, après on verra sur. Moi je te permets. Et donc voilà, oui, parce qu'on voyait des combats au sabre, on voyait 40 Sith débarquer d'un transport de troupes qui venait de s'écraser en temple Jedi pour un assaut absolument. Dantesque, effectivement. Et voilà. Ça tuait. Bon, le jeu en lui-même, après, donc, on peut jouer. Alors, en plus, il est multijoueur, mais je veux dire, même à jouer en solo, il est très intéressant. Enfin, il y a vraiment. Voilà. Chaque classe a vraiment un scénario, mais vraiment super. Enfin, au poil. C'est quoi. Ça. Et effectivement, donc, c'est un jeu qui peut se jouer en solo sans aucun problème. Le jeu est bien équilibré, il peut être même un peu trop facile. Mais bon, voilà. Et en multijoueur, c'était quand même aussi très intéressant parce qu'il y avait tout un système de dialogue. Alors déjà, tous les dialogues sont intégralement doublés. Et donc, surtout, il y a un système aussi de réponse à choix multiples. Et ça, c'est bien quand le personnage principal parle. Et puis, il y avait des super doubleurs. Enfin, en tout cas, les doubleurs français, je sais pas. Mais en anglais, on va retrouver, par exemple, Laura Bailey qui bosse sur les Telltale ou qui fait, par exemple, Nadine dans les Uncharted. Ouais. On a Nolan North, je crois, aussi. Il joue le Jedi consulaire, tout à fait. Voilà, qui fait le Jedi. Donc, un des personnages jouables. On va retrouver aussi... très amusant, Vett, donc qui est une Twi'lek, qui est un personnage qu'on a avec le Sith, avec le chevalier Sith, enfin le... Ouais, le guerrier Sith. Le guerrier Sith, qui est une Twi'lek, qui en fait est doublée par Catherine Tabor, qui double en fait dans Clone Wars Padmé Amidala, et qui doublait aussi dans le premier KOTOR, une autre Twi'lek, à savoir Mission Vao. Donc c'est assez amusant, donc il y a vraiment un super casting, donc tout est doublé, et en anglais... Il y a du très bon type d'acteur. En français, des fois, il y a le fameux doubleur qui était déjà dans le premier KOTOR, qui a une voix la plus monocorde du monde. Ouais, c'est dans le 2, ouais, il jouait un Jedi dans KOTOR 2. Et là, il est même dans le 1, il fait des personnages un peu qui tu peux discuter rapidement dans la rue. Là, le mec, genre, ah oui, mais je suis comme, ah, oh, vous avez tué quelqu'un. Enfin, le mec, je sais pas comment il fait. D'ailleurs, je pense que c'est même un talent d'arriver à toujours avoir une voix monocorde. Le mec est vraiment très fort. Mais oui. Il est fort dans le mauvais, quoi. Il est balèze. Mais bon, enfin, globalement, la traduction française, elle est quand même bonne. Hein, pour les personnages principaux, elle est bien, ouais. Elle est très très bien. Les personnages secondaires, bon, effectivement, on voit que c'est toujours un peu les mêmes gens qui reviennent. Mais donc voilà, donc un très bon jeu, donc avec 8 classes différentes. Donc en fait, il y a 4 personnages côté lumineux et 4 côté sombre, ça aussi c'est un petit reproche parce qu'en fait il y a une classe de chaque camp qui aurait pu être Oui, qu'entre les deux. catégorie de, ouais, neutre. Bon, voilà, donc ils sont pris ce parti là. Oui, bon, parce voilà, qu'on peut pas passer d'un côté choix à l'autre, effectivement. Scénaristiquement, voilà. On peut être joué dans le côté lumineux, quelqu'un qui passe du côté obscur, mais on pourra pas tomber avec les mecs du côté obscur. Il y a pas, Non, ça merge non, non, pas de ce non. côté-là, effectivement, c'est Voilà, impossible. c'est pour ceux qui jouent à World of Warcraft, donc c'est un peu l'Alliance versus la Horde. On peut pas aller sur les planètes Ouais, de l'Empire à et part si le inversement. scénario Enfin, le demande, on peut à un moment, mais sauf je veux si le dire, scénario le demande. mais on peut pas se friter, machin, où il y a des. Enfin, ouais, on peut pas aller tout visiter. Et à part des Non. instances où des fois on pourra jouer ensemble avec des gars, mais ça c'est le scénario qui le décide. Mais d'un point de vue du choix du joueur, effectivement, c'est pas possible. Non, effectivement, on va là où le scénario nous amène. Un gameplay très solide. Enfin, quand c'est sorti, les mecs ils ont dit de toute façon ils ont pas pris, c'est World of Warcraft mais à la sauce Star Wars. Et ça marche, tout simplement, ça marche bien. Ouais, et alors bon, on va pas en faire des. Ils ont fait plein, et ça continue de toute façon à marcher, ils font plein Ça de. continue, ils ont sorti deux grosses extensions. Donc il y avait Rise of the Hutt Cartel et Shadow of Revan, je crois. Oui, alors pour parler de Revan, donc c'est un personnage dont on parlait dans le premier KOTOR, Voilà, sans en dire plus, mais on va dire que on va toute y l'histoire. revenir, Ouais, mais. toutes les. Bah, faut pas trop en parler peut-être, mais toute Non, l'histoire non, non, de. bien sûr. Mais toute l'histoire de Revan en fait, se suit du premier KOTOR, il y a un peu. Son ombre est un peu là dans le KOTOR 2, il y a un roman Revan qui a été écrit par Voilà. Drew Karpyshyn d'ailleurs. Donc, qui était le mec qui a fait les jeux, et qui a écrit aussi les premiers romans Mass Effect, qui a écrit d'autres romans Star Wars, des très bons romans Star Wars, dont le fameux roman qui amène à la création de la règle des deux, donc on revient au Sith. Et donc en fait, quand on joue l'histoire du chevalier Jedi, C'est ça. C'est la suite principalement, directe c'est une de sorte de KOTOR suite, ouais, voilà. 1-2 du roman, ouais. En fait, c'est Du pour tous les KOTOR. gens qui, comme t'as toi et moi, disant, mais ouais, mais on s'en fout, enfin, surtout moi, je m'en fous du multijoueur, moi je veux un vrai KOTOR 3 avec l'histoire de Revan. Et en fait, le roman plus tout ce scénario-là, et donc après l'extension, Shadow of Revan, on va dire que ça fait un peu le KOTOR droit, ça clôture l'histoire en fait de Revan, quoi. C'est ça. Parce qu'après après Revan, c'est fini. Donc le jeu continue de sortir du contenu. Alors bon, faut savoir que c'était un abonnement mensuel, enfin payant, enfin annuel. Bon, bref, c'était payant. Il est passé en free-to-play comme beaucoup de MMO parce que ben, le modèle économique a évolué. Il n'y a que World of Warcraft qui arrive visiblement à survivre avec le système d'abonnement. Ils ont complètement revu leur système de financement. Et ils sortent encore du contenu, donc ils ont abandonné les grosses extensions où on sort un gros pavé et puis voilà. Donc là, ils sont passés au contenu épisodique. Et ça continue de sortir, voilà. Et Bah je sais que toi tu continues à les faire, moi j'ai arrêté hein, mais Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais oui, il faudrait que je reprenne un abonnement pour rattraper le retard. Donc ensuite, bon, voilà, on va pas spoiler ce qui se passe dans les extensions. Ça peut fortement déplaire à des tas de gens. Mais bon, voilà, il y a quand même des mais trucs c'est qui comme méritent le la premier peine. KOTOR quelque part, ils vont dans des endroits qui pour l'instant n'ont pas été touchés. Je serais pas surpris que tout ce qui est ce qu'on appelle les régions inconnues, donc c'est même plus dans l'univers galaxie ou c'est aux confins de la galaxie Star Wars, donc c'est tout qu'on voit même pas trop dans les films ni rien. Je serais pas surpris qu'ils en parlent un peu dans les prochains films à venir, ça commence à venir ces histoires-là. Donc oui, ils ont fait un choix qui pour le coup est un choix, enfin il fallait le faire, c'est quelque chose qui est assez risqué. Moi je suis pas les jeux parce que j'ai arrêté, mais par contre je suis ce qui se raconte parce que j'ai envie de savoir. Et effectivement, c'est un truc qui va probablement cliver. Mais c'est assez intéressant en fait, il y a vraiment des trucs qui sont assez intéressants, on peut pas dire qu'ils prennent. Enfin, c'est pas safe. Et je trouve que c'est intéressant qu'ils prennent ce genre de risque là, de se dire, ben, on va continuer à creuser avec des nouvelles choses, des nouveaux endroits, des nouvelles manières de voir la force, tout ça, c'est quand même assez intéressant de ce point de vue là, hein. Faut dire ce qui est. Après, faudra voir si combien de temps ça va durer. En tout cas, c'est. En termes de gros jeux Star Wars, finalement, c'est le seul avant le rachat de Disney qui dure. Qui dure, ouais, effectivement. Ça fait maintenant, bah, on a célébré il n'y a pas longtemps les 6 ans de ce jeu-là. Est-ce qu'ils vont tenir la cadence? Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, je pense qu'en termes en termes financiers, ça doit leur rapporter, parce qu'il y a tout un système de personnalisation où on achète. Donc, c'est pas le loot box qui fait controverse en ce moment-là. Mais bon, ça marche, il est encore là. Et puis on va voir pour combien de temps. Bon alors pour finir quasiment parce qu'on a même bientôt 2 heures de podcast, c'est bien en fait notre podcast il va durer à peu près la durée Voilà. de l'Empire contre-attaque. c'est pas fait exprès. Voilà. Mais on n'avait pas dit 45 minutes. Voilà, 45 minutes, 1 heure. Ouais, en fait, il y a tellement ouais, à dire. Ouais, 1 heure, allez. Ouais. Et oui, mais ça, c'est les voix de la une force. Heure, ça devrait suffire. Les voix de la force sont impénétrables. En tout cas, 2012, c'est une date très importante parce que c'est le coup de tonnerre en fait dans l'univers Star Wars, puisque c'est George Lucas qui vend les droits, tous les droits en fait. Il y a droits d'auteur évidemment, lui, mais il vend tout à Disney. Donc Disney rachète, donc là évidemment c'est la crise, les gens disent c'est pas possible, ils ont foutu de la merde Disney et tout. Ouais, on va avoir des Jar Jar partout. On va avoir des Jar Jar partout. Moi personnellement, on n'a pas eu besoin d'avoir Disney pour avoir des Jar Jar ou des Ewoks, hein, déjà. Mais moi personnellement, j'étais content parce que je me suis dit, bah, on aura des nouveaux films Star Wars, ils seront peut-être nuls. Puis, en même temps, c'est toujours pareil, si on n'aime pas ce qui se fait de nouveau, mais on peut toujours revenir sur les trucs qu'on a aimés qui viennent avant. Je veux dire, c'est pas grave. Moi, les gens qui me disent, si vous n'aimez pas, n'achetez pas. Hein. Oui, et moi je comprends les gens qui me disent, parce que donc le rachat c'est en 2012, et à partir de 2014, ils vont dire, mis à part la série Clone Wars. Donc tous les films, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mis à part la série Clone Wars de 2008 à 2015, qui vont arrêter là d'ailleurs, en plus à ce moment-là ça aurait duré plus longtemps, et le comics Darth Maul, qui explique justement que Darth Maul est vivant, Son of Datomir, ils disent tout le reste, tout ce qui a été fait, tous les jeux, tous les livres, tous les comics, ça passe de l'univers attendu, ça passe en univers Legend, et on va faire un nouvel univers canon dans lequel s'inscrit donc Star Wars. Donc là les mecs râlent, je comprends hein, qu'on s'investit là-dedans, mais c'est toujours pareil, si vous n'aimez pas, ben, dites-vous que ben, les histoires que vous aimez, pour vous, c'est ça, Star Wars. Et puis voilà, c'est, je veux dire, il y en faut pour tous les goûts. Donc ça, c'est en 2012. 2012 aussi, c'est très important au niveau du jeu vidéo, parce qu'ils vont commencer... Alors, Disney garde tout, sauf la branche de chez Lucas, qui s'appelle LucasArts, donc qui s'occupe des jeux vidéo. Et ils vont la filer à... Il la ferme. Il la ferme, et donc il file tout ce qui va être l'édition, le développement de jeux vidéo, l'édition surtout, à Electronic Arts. Et en fait, c'est quand on préparait ce podcast, justement, on disait, bah alors ils ont fait quoi finalement Electronic Arts depuis ? Et bien alors, finalement, ce qui sort en fait, mais c'est même pas eux la plupart du temps, de 2012 en fait, donc 2012 c'est le rachat, Disney après vraiment, c'est officialisé vers 2014, mais c'est en 2012, à nos jours, bah en fait la plupart des jeux c'est quoi ? C'est des jeux en fait qu'on va dire, c'est toi qui a dit ça, mais c'est vrai, un post-café, donc c'est des jeux surtout qui sortent sur Android. Tablette, ouais. Smartphone, ouais. Donc plein de petits jeux de ça, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais je veux dire, c'est pas des jeux de grande ampleur. Alors c'est parce que c'est la période aussi qui veut ça, hein. Il y aura même un Angry Birds Star Wars, ce genre de choses. C'est vraiment beaucoup de joueurs et il faut pas les critiquer. En même temps, si les gens aiment jouer à ça, c'est toujours pareil, moi je vais pas critiquer. Ils aiment, ok, moi c'est pas du tout mon trip, mais s'ils aiment faire 10 minutes, 15 minutes de jeu un peu Star Wars machin, ou sur la tablette faire ce genre de petits trucs, t'as des milliers de sortes de petits RPG machin, pourquoi pas, mais c'est surtout ça qui va sortir. Il y avait les Disney Infinity, donc qui avaient commencé avant chez Disney évidemment, ils vont faire une variante pour la sortie, comment ça s'appelle, de Force Awakens. Ils vont faire donc un défi, c'est dans le Disney Infinity 3 que j'ai. Alors moi j'ai parce que j'adore collectionner les figurines, parce qu'elles ont vraiment une bonne gueule. Et le jeu en lui-même est sympathique, c'est plutôt pour les jeunes, mais voilà, c'est assez sympa. J'ai fait que il y a trois extensions, une extension pendant la période de la guerre des clones, donc avec Anakin, Obi-Wan, Yoda, tout ça. Une période en fait qui reprend les événements donc de la trilogie originale avec Luke, Leia, Han Solo et The Force Awakens. Donc ça, mais ça c'est pareil en fait, Disney Infinity c'est tombé à l'eau maintenant, ils ont arrêté, donc bah c'est bien, on peut trouver les figurines, des fois c'est soit hors de prix, soit c'est discount, donc ça faut voir si on est collectionneur. Et sinon, bah, Disney ils annoncent quoi ? Bon, avec BioWare ça continue la République, ça on le sait, et donc Electronic Arts ils annoncent... Alors il y avait un jeu, j'en ai pas parlé, il y avait un jeu qui était en développement chez LucasArts, qui c'était Star Wars 1313, qui devait se passer en fait dans la communauté en fait d'un peu les bas-fonds, le côté un peu criminel avec on devait jouer avec Boba Fett dans l'univers Star Wars, et c'est un jeu en fait ils vont dire ah mais on l'arrête pas, si on l'arrête, finalement le jeu va être arrêté définitivement, et ils vont lancer en fait donc la production de Battlefront. Donc il y a plusieurs studios hein, qui mettent DICE pour Battlefront, Visceral Games pour faire un jeu, ils recrutent Amy Hennig, donc on va dire la maman des trois premiers Uncharted hein. Qui est donc la recrute pour faire une sorte de Uncharted-like sort Star Wars. Et il y a aussi... C'est qui ? C'est Respawn aussi qui a un projet, c'est ça ? Il crée aussi un studio donc chez Motive avec Jed Raymond qui avait bossé sur les Assassin's Creed pour bosser aussi sur Star Wars. Bref, il y a beaucoup de projets qui sont ouais. lancés. Il y avait Doug Chiang aussi qui était chez Visceral, il y avait Doug Chiang, ouais. Il avait travaillé à la création de tout l'univers, les vaisseaux, etc. Il y a beaucoup de monde qui est recruté, donc plein de studios qui sont mis, et finalement, donc ça c'est quand ils récupèrent ça, et donc 5 ans plus tard, finalement, quand on fait le point, on a quoi ? On a Battlefront qui sort. Battlefront en 2015. Donc ça, tu l'as plus retourné, moi j'ai à peine joué, donc ça tu vas pouvoir le dire. Donc c'est ça, c'est que multijoueur. Voilà, donc ouais, c'est donc il ressuscite Battlefront, ça y est, oublié Battlefront 2 dont les serveurs sont fermés depuis Ah, des années. c'est parce qu'ils l'ont cloné Là, avec voilà, un là on va apprenti. faire voilà, c'est ça. Donc là, on va faire un vrai Battlefront beau et qui en jette. Donc c'est DICE qui fait ça, c'est les mecs qui sont à l'origine des Battlefield. Battlefield 3 marche très bien, le 4 aussi. Battlefront, il est super beau, ça en jette. C'est techniquement, c'est une réussite totale, c'est super bien optimisé. Les sons, mais c'est complètement Star Wars, on est vraiment dedans, il y a rien de raté au niveau de l'immersion. Ensuite, le problème, effectivement, comme tu as dit, c'est exclusivement multijoueur. Quand on a un jeu qui s'appelle Battle Machin, que ce soit Battlefront ou Battlefield, on s'attend à avoir plein de véhicules sur le terrain. Bah là, finalement, c'est pas du tout le cas. Donc, bon, c'est un petit peu dommage. Ensuite, le jeu est ce qu'il est. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, etc. Mais c'est pas un mauvais jeu, honnêtement. Moi, Non, j'y joue encore avec plaisir. Bon, ensuite, le gros y a reproche tout c'était les ceci. véhicules et Le après véhicule, ouais. et Il y a puis le le système de grinding aussi, parce que ouais. ben, les mecs qui jouent depuis un petit moment, ben, ils débloquent des armes avec lesquelles ils vous défoncent. Et quand on commence le jeu et qu'on se fait défoncer, ben, parce qu'on n'a rien dans les mains, ça peut être un petit peu frustrant. Ouais, l'impatience qui mène du côté Mais obscur comme chacun sait en plus. Et non, voilà. puis surtout, un des gros problèmes qu'on lui a reproché, les joueurs, beaucoup de joueurs, c'est qu'ils auraient voulu au moins une petite campagne solo, ou ne serait-ce qu'une possibilité de Voilà. jouer tout seul aussi. Enfin, et c'est vrai Bah, que. ils ont essayé de corriger le tir en mettant un des modes multijoueurs qui marchait très très fort, c'était à la bêta et c'est le mode de jeu encore le plus joué, c'est donc l'attaque des marcheurs. Donc il y a des marcheurs qui avancent à une vitesse constante qui doivent détruire quelque chose, donc un vaisseau rebelle ou la base rebelle sur Hoth. Oui, parce Donc qu'on retrouve des terrains, on va retrouver voilà. Endor, on va trouver Hoth, on va retrouver Tantooine, voilà, Tatooine, pardon. Tatooine, oui, Un mix entre Dantooine et Tatooine. Tantooine, mais ça c'est les traductions, mais comme dans les vieux doublages Star Wars, dans les Voilà. premiers, mais c'est le chic Voilà, il y tabac là-bas. a. Voilà, il y a Sullust. Ensuite, via les DLC, il rajoute des DLC. Donc, il y a Scarif, qui arrive vachement à la fin. Bon, t'as Bespin qui est super bien fait, là, cet univers. Franchement, c'est beau. Et l'étoile noire aussi. Donc voilà, c'est bien fait. Bon, là à la fin, j'espère que bah, c'est dommage qu'ils aient pas un petit peu mis plus de thunes sur le système anti-triche parce que ça Ouais, il y a tue des des trucs qui sont certains vraiment parties. très très suspects pour ne pas dire. Ouais, Voilà, donc là il y a des franchement trucs très suspects. ça fait Même moi rager. qui n'ai pas joué beaucoup, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ouais, là quand même, c'est Ouais. juste pas possible. Les mecs, ils te voient à travers les murs. Tu leur as fait la tête à bout portant. Le mec, il baisse, sa vie ne baisse même pas. Alors je vois bien qu'il y a des Voilà. boosts et tout, mais ouais, il y a des trucs Voilà. qui sont très très suspects. Donc ça, c'est Donc. Battlefront, ouais, et qui sort avec 10. Donc après, effectivement, ils disent. 10, DICE, désolé, fou là, mon accent pourri. Et après, ils disent, non, mais vous verrez, pour 2, on va vous faire un. Alors pendant ce temps-là, ils font Visceral. Alors Visceral, forcément, finalement, ils vont pas aimer, donc ils veulent EA, ils sont vraiment partis pour faire ce qu'on appelle donc du game as a service. Alors je vais pas refaire tout le truc là-dessus parce que j'avais fait une vidéo précédemment là-dessus où j'ai dit tout ce que j'en pensais, plus ou moins, voilà, enfin mon point de vue, je pense que voilà, on va pas revenir là-dessus. Bon personnellement, voilà, vous verrez ma vidéo. Je sais que toi, tu partages mon point de vue, donc je pense que si je dis regardez la Oui. vidéo que j'ai fait, ton avis, ça sera à peu près le même que le mien. C'est juste que c'est très dommage, très triste, que voilà, que je suis pas contre tous ces nouveaux systèmes de jeu, même si je trouve qu'ils sont un système un peu pernicieux. Mais pourquoi ça devrait exclure fatalement d'autres types de jeux? Voilà, moi je suis pas pour qu'il y ait un plus que l'autre, c'est juste qu'il y en ait pour tous les joueurs. Je suis probablement un peu trop utopiste là-dessus. Donc voilà, donc Visceral, vous verrez ma vidéo là-dessus, vous pouvez la trouver sur la chaîne. Donc ça c'est tombé à l'eau, et donc finalement on se dit, ben, il n'y a pas grand-chose qui sort, donc ben, si, il y a le Battlefront 2. Donc, Battlefront 2, le donc vrai et le le faux. faux. En fait, c'est comme ça, c'est comme Ronaldo et Cristiano Ronaldo. Quand on dit Ronaldo, le C'est vrai. ça. Les vrais, ils savent en fait. Le numéro 9, le Brésilien. Pas CR7. Et donc là, on a la version donc CR7 de Battlefront. Battlefront 2 qui sort. Donc là, cette fois-ci, ils avaient fait beaucoup de promesses. Ils avaient vraiment communiqué sur. Déjà, Ouais. vous aurez une campagne solo. Par motif, justement, hein, ce studio-là où ils avaient embauché le mec qui avait écrit le jeu de Spec Ops The Line, qui était un jeu qui était pas mal du tout. Le scénario était très intéressant. Et donc ouais, il y aura une super campagne solo, vous allez avoir la vision de l'Empire avec ce nouveau personnage. Il y a un bouquin qui est sorti d'ailleurs où on voit un peu le préquel à ce jeu, qui est un bouquin vraiment, vraiment intéressant. Donc on joue Aiden Versio, une femme qui bosse pour l'Empire, qui est vraiment, vraiment dans la mentalité de l'Empire. Et après, ils ont fait aussi plein de promesses, il n'y aura pas de DLC payant, tout sera gratuit et tout. Ils n'avaient pas parlé des micro-paiements. Voilà. Et donc bon, alors finalement, alors on va peut-être pas s'apesantir parce qu'on est quasiment 2 heures de podcast sur. tout le bordel qu'il y a eu sur le... Enfin, on l'a pas joué au jeu, en fait, les deux, ni l'un ni l'autre. Bah non, parce qu'il vient de sortir, donc... Voilà, moi je l'avais précommandé, je voulais vraiment faire la campagne solo, et en fait, sur Twitter, ça c'est le problème des réseaux sociaux, je me suis fait un peu spoiler un twist, et je suis pas mécontent de me l'être fait spoiler, parce que si c'est arrivé en plein jeu, je pense que j'aurais pété un câble. Et ce qui fait que voilà, donc j'ai pas fait le jeu, mais par contre, j'ai regardé des vidéos de... Voilà, j'ai regardé plein de trucs, donc je sais exactement tout ce qui se passe, je vais pas le dire ici, parce que toi je sais que tu l'as pas fait, puis le jeu est récent, donc là il faut vraiment pas spoiler. Je dirais juste que si vous êtes fan de Star Wars, même assez hardcore, hein, il y a, dans Capone Solo, il y a plein de trucs, la manière dont ils font les connexions avec le nouvel univers canon est vraiment super. De ce point de vue-là, il y a vraiment un travail qui est exceptionnel. Si vous lisez un peu les comics, les romans qui se passent autour, il y a plein de trucs qui viennent, c'est vraiment super intéressant. Il y a aussi un gros côté fanservice que je trouve un peu désagréable. Et dans le gameplay, voilà, le gameplay déjà, voilà, il n'y a pas une grande différence entre le solo, finalement, à quelques trucs près, et le multijoueur, donc ça, c'est, je pense que c'est quand même une grosse critique. Et voilà. Et après, le scénario principal, moi, je pense qu'ils trahissent des promesses qu'ils ont fait. C'est mon avis. Je pense qu'après, il peut se suivre de manière très bien, ça peut être très agréable. Voilà, moi, en tant que... C'est pas une sorte de gros fan ou pas. Je pense qu'ils ont trahi certaines promesses qu'ils auraient pas dû trahir, c'est vraiment dommage. Et ça, vous ferez votre avis si vous y jouez ou si vous regardez des trucs sur la toile. Alors, lâchez que la plupart de la presse, mis à part, ils sont focalisés sur le côté négatif des lootbox, tout ça, mais sur le solo, ils disent « ouais, blablabla ». Il y a quand même des défauts, voilà. Ça, c'est mon avis. Après, si tu veux parler, toi, du côté lootbox, tout ça, si tu veux, vas-y, je te laisse. On va juste expliquer ce qu'est une lootbox. Oui, donc, tout simplement, avec de l'argent réel, vous achetez une caisse. Dans cette caisse, soit vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans, soit ils vont vous dire, eh bien, vous aurez peut-être une arme, un accessoire, etc., un truc de personnalisation. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est foutu dans Battlefront. Et donc, c'est complètement aléatoire. Vous actionnez la roulette et là, bah, il vous tombe quelque chose. Et c'est souvent quelque chose dont vous vous fichez complètement. Donc, ça pose pas énormément de problèmes quand ça a des petits jeux. Par exemple, je pense à Rocket League où tout le système de lootbox, c'est uniquement esthétique pour personnaliser sa voiture, etc. Alors que là, visiblement, non. Les lootbox qu'on a, ça débloque des armes, des trucs qui donnent un réel avantage sur le terrain. Ce qui fait que le mec qui se fiche complètement de rajouter 50 ou 100 balles dans des lootbox, eh ben, il va avoir un avantage significatif contre celui qui a décidé de ne pas faire verser le moindre centime. Exactement. Donc il y a déjà ce côté-là, et il y a ce côté, ils sont en train de voir, alors c'est le bordel un peu partout, mais c'est que ça peut s'apparenter d'une certaine manière à des jeux de hasard. À des jeux de hasard, et c'est pour ça qu'il y a des sénateurs qui s'emparent du truc. Un sénateur belge est sur le coup, ils veulent complètement bannir ce genre de système. En Chine, je crois qu'ils ont fait des trucs aussi un peu comme ça. Voilà, donc de toute façon, ça existait déjà, mais le fait que ce soit un jeu aussi emblématique, enfin une telle licence, ça résonne, ça lui fait une promo extrêmement mauvaise. Calamiteuse même. Voilà, les ventes ne sont pas bonnes à cause de ça. Alors que finalement, sur les premiers chiffres par rapport au précédent, alors que là ils avaient promis justement un truc, effectivement, c'est pour l'instant c'est moins bon. Après, donc là, le système de lootbox, ils l'ont mis en pause probablement suite à un petit coup de fil d'un mec au placé de chez Disney. Mais justement, ouais, parce qu'il y a eu ce truc là. Alors voilà. C'est très bien parce que sur Reddit, c'était un des trucs les plus leur message était le truc qui était le plus mal downvoté. Ah, déferlement de haine des joueurs, et donc c'est bien que les joueurs, alors après, c'est toujours pareil. Il y a des mecs qui ont reçu. Alors déjà, le mec qui a développé le jeu, ben, il est pas responsable. Enfin, il a des impératifs, hein, sinon il se retrouve avec les mecs de Viscera, il les virait. Donc c'est vraiment un choix de l'éditeur. Ouais, c'est voilà. Même le CM de chez EA qui se prend des menaces de mort. Voilà, après, que les joueurs. Enfin, le mécontentement, c'est bien. Après, de là, enfin, voilà, c'est un jeu, les gars. Oui, non, faut toujours être. Faut se calmer, mais. Être raisonnable, hein. C'est vraiment. C'est côté obscur, quoi. Les développeurs, je pense qu'ils n'étaient pas fanas de ça. De toute façon, il n'y a pas besoin de lootbox pour jouer un jeu, clairement. Ben, non, voilà. Après, d'ailleurs, la personne qui veut jouer à Battlefront au multijoueur, qui s'en fout d'avoir les héros, de passer le temps à débloquer les héros, qui veut juste le fun de jouer, il peut jouer, c'est pas un problème. Moi, je pense d'ailleurs, pour le coup, que je suis pas très multijoueur, je suis même vraiment pas ça. Mais je pense que si je dois prendre le jeu, soldé plus tard. Bah, maintenant que je connais la campagne solo, je ferai même pas la campagne solo, ce sera juste pour faire un peu de multi comme ça, et je m'en ficherai d'avoir les... En plus, je suis une braille avec les... avec les héros. Je confirme. Mais ouais, tu confirmes et tout ça. Mais c'est vrai. Et bah, j'ai pas joué beaucoup en même temps. Mais effectivement, et donc les joueurs aient fait ça et c'est bien. Après, là où c'est où EA ils se foutent vraiment de la gueule, c'est qu'ils disent oui, on vous a écouté et tout ça. Et on a appris. Et là, pour le coup, les sources sont quand même fiables puisqu'il y a des articles du Washington Post, ce genre de truc, ça. Puis après, des insiders sur les presse spécialisées jeux vidéo, sites spécialisés jeux vidéo. Mais en fait, non, c'est un exécutif. Alors, c'est pas le crampon de chez Disney, mais c'est un exécutif vraiment haut placé qui a appeler les mecs des Electronic Arts parce que justement ben, ça leur fait une mauvaise promo. Il y a quand même un petit film qui va sortir en décembre qui s'appelle The Last Jedi, et donc voilà que là leur mec, il y a une espèce de bad buzz autour de Star Wars, et ben ça tâche un peu la poule aux odeurs de Disney, parce que c'est un peu la poule aux odeurs de Disney Star Wars, peut-être même plus que, enfin pas plus, les fans de Marvel vont me tuer si je dis plus que Marvel, mais en tout cas c'est vraiment leur gros truc. Et donc effectivement ils ont appelé, ils ont dû leur dire bon les gars vous arrêtez tout ça. Alors là ils ont dit qu'ils suspendaient, mais je pense que les mecs Disney vont dire non vous arrêtez les conneries. Là le film il sort, après on a normalement un Han Solo, il y a déjà en plus des trucs sur le Han Solo, qui sort, ils ont changé de réalisateur, c'est un peu le bordel. Il doit sortir en mai, donc jusqu'à mai, vous calmez les gars, vous arrêtez quoi. Et ça pose ce truc là de... Moi je me dis, je pense que Disney aussi se disent on a peut-être merdé en filant tout à ce même éditeur, parce que comme on disait, mis à part les jeux justement sur tablette tout ça, machin chouette, et c'est même pas eux qui ont tous édité, ben mis à part les Battlefront, pour l'instant, en 5 ans, Rien. Il y a Respawn qui bosse sur un Star Wars, mais là ils ont racheté d'ailleurs Respawn. Donc c'est le développeur de Titanfall. On sait pas trop. Jade Raymond, soi-disant, doit bosser sur un truc. Il y a le projet Visceral, donc qui n'est pas mort, soi-disant, mais qui vont mettre une sorte de truc. Enfin bon, ça. Faut se méfier de la com de EA, parce que quand ils ont fermé Visceral, ils ont dit on a écouté les joueurs, que c'est pas ce qu'ils veulent, etc. Donc, faut dire que les Destiny-like, parce que je pense qu'on se dirige vers un Destiny-like, un truc comme ça, faut dire que ça marche, et tant mieux si ça marche, mais c'est pareil, ça ne doit pas exclure les autres types de jeux. Et en plus, Star Wars, c'est une licence qui se vend suffisamment bien, on l'a vu dans tous les jeux qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des jeux qui sont super bien vendus, il y en a toujours eu. Faire un truc linéaire, un solo linéaire narratif, type Uncharted, Star Wars, ça se vend très bien. Et quand on voit un peu, c'est le projet Rattack, donc hein, on peut trouver des articles qui décrivaient un peu le projet, il y avait vraiment des choses intéressantes, et donc je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas voulu, mais donc finalement, ben voilà, depuis qu'ils ont la main mise sur la frange jeu vidéo Star Wars, et bien pour l'instant c'est juste Battlefront 2, le premier a été critiqué parce qu'il n'y a pas de solo, le second est critiqué pour tous ces trucs-là. Les mecs n'ont pas fait grand chose, et je pense que chez Disney, les gars commencent à se réveiller en se disant bon, on l'a peut-être merdé. Et donc, je voulais conclure plus ou moins le podcast sur quel est le futur de la galaxie, s'il est sombre ou s'il n'est pas sombre. Ben, en tout cas, déjà, le futur déjà pour EA, alors je veux pas faire le Nostradamus parce qu'en plus, ils se sont plantés, ou Paco Rabanne, mais c'est pas dit qu'ils aient les pleins pouvoirs, Ultimate Power, comme dirait Palpatine, mais c'est pas dit qu'ils aient les pleins pouvoirs sur la licence Star Wars. Ad vitam aeternam, mais même à moyen terme. Je pense que Disney, au bout d'un moment, ils vont se dire il y a peut-être autre chose à faire, parce que là, ils ont quand même, ils se traînent vraiment des sacrées casseroles. Et enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, je me dis que, à moins qu'ils sortent vraiment un gros jeu, on verra avec les ventes là, mais c'est vraiment pas dit que EA, ils sont déjà du côté obscur, ils sont déjà sans doute, mais c'est pas dit qu'ils y tiennent. Oui, il était déjà avant, il y a carrément une sorte de boycott qui est en train de s'organiser autour d'Electronic Arts. Bon, à raison, bon voilà, on n'est pas là pour juger de ce qu'ils font à côté de Battlefront. Mais je pense que Star Wars, ça marche, il y a suffisamment de pognon en jeu. Enfin, dans les caisses, je veux dire, ils pourraient très bien confier un projet un petit peu plus risqué qui sort des sentiers battus à des studios qui ont la volonté de faire quelque chose, et, enfin, de faire autre chose que de l'argent. Donc, bon, l'avenir nous le dira. Bon, le système de lootbox, ils l'ont mis en pause, ils ont dit qu'ils vont le remettre. Est-ce que ce sera exactement la même chose, ou est-ce qu'ils vont revoir leur copie, ou est-ce qu'ils vont se faire complètement allumer par Disney? On sait pas. Bon, de toute façon, je pense que le futur de la licence en termes de JV, il va être décidé dans les mois à venir. Mais bon, là, c'est vrai qu'Electronic Arts, après le coup de fusil qu'ils viennent de se prendre, on est peut-être pas prêt d'avoir un Battlefront 3. Ce coup de blaster. Non, mais oui, et puis surtout, c'est que finalement, ils ont, même en ce moment, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, ils ne proposent rien. Alors que justement, Disney, ils ont déjà établi leur plan entre les spin-offs, la nouvelle trilogie que va faire Ryan Johnson, qui a été annoncé. Donc Disney, ils ont leur plan de trucs, ils ont leur plan sur les bouquins qui sortent continuellement, sur les comics qui sortent continuellement. Le jeu vidéo est un parent pauvre, alors qu'on a vu que finalement, c'est qu'il y a un moment, c'était lui qui maintenait, hein, en plus des comics, mais qui maintenait vraiment hein, le côté, le lore Star Wars, hein, tout ce qui est autour de l'univers. Eux, ils ne proposent rien. Moi, je te dis, je te dis, on verra, mais en tout cas, c'est possible que effectivement, dans les mois à venir ou une ou deux années à venir, d'ici à ce qu'une nouvelle trilogie apparaisse, il y ait du changement et que Disney resserre les boulons là-dessus, à moins que EA se réveille et tout. Mais là, ils sont sur un échec. Ils partent plus ou moins sur un simili-échec. Ils font du pognon, c'est certain. Hein. Mais si le prochain truc qui sort, il y a encore des problèmes. Je pense que, comme dirait Vador, cette erreur envers moi était la dernière. Donc je pense qu'il y aura un mec chez EA qui risque de se faire un force choc là et finir dans le compacteur à ordures, quoi. Donc, donc on verra. En tout cas, pour l'instant, ben, voilà où en est le jeu vidéo. Donc on voit, il se passe pas mal de choses dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Et donc on verra si c'est pour longtemps, encore très longtemps. En termes de durée, de longtemps, ce podcast était très long, trop long. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, hein, de toute manière. J'espère. En tout cas, je te remercie, Macrémic, d'avoir partagé. On a oublié deux trucs absolument essentiels. Ah mince, qu'est-ce qu'on a oublié ? On oublie toujours un truc. Là, on parle de l'avenir du jeu vidéo, mais alors, déjà, vous pouvez espérer voir, on ne sait pas trop quand, un remake de KOTOR 1. Mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Vrai, le projet Aperon. Aperon Project, le projet un peu fou d'un fan absolu de KOTOR qui veut refaire le jeu complet sous le dernier Unreal Engine ou CryEngine, je sais plus lequel. Bon, un moteur 3D qui est très très très performant sur PC. C'est vrai, Aperon. Ça s'écrit A-P-E-I-R-O-N. Je le dis parce que comme ça, si vous allez sur son Twitter, son Facebook, pour suivre les avancées, tout ça, c'est quand même très intéressant, surtout si vous avez fait les jeux originaux. C'est vrai que le mec c'est colossal, est fou. Il stream régulièrement, son développement, donc s'il est pas tout seul, ils doivent pas être beaucoup, donc c'est un projet ultra ambitieux, peut-être trop, c'est peut-être quelque chose qui ne verra jamais le jour, on sait pas, mais en tout cas on lui souhaite bonne chance parce que c'est un truc colossal. Et t'en avais un second à nous placer aussi hein. Ouais, j'en ai un second, alors allez, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'on a parlé des X-Wing récemment, il y a un mode HD qui est sorti, donc si vous achetez X-Wing sur une plateforme de téléchargement comme GOG, eh ben, en cherchant un petit peu, vous trouvez un truc HD qui le rend extrêmement plaisant à jouer. Et voilà, et si vous en avez assez des jeux post-café sur tablette et tout ça, eh ben moi je vous recommande de faire une petite partie de Patzak. Mais oui, je l'avais dans la tête, je me suis dit, mais comment on n'a pas pu ne parler de Patzak? Oui. Oh là là, mais c'est pas possible. Donc le Patzak qui est un jeu de cartes dans l'univers Star Wars qui apparaît dans KOTOR. Puisque le jeu de cartes légendaire dans Star Wars, c'est le Sabacc. C'est le fameux jeu à laquelle Han Solo a dû tricher probablement contre Lando qui trichait lui aussi pour gagner le Faucon Millennium. Et il y a aussi donc le Patzak, qui est un jeu donc de cartes qui apparaissait, qui était vraiment assez... Alors, c'est pas du niveau du Gwent dans The Witcher, mais c'est quand même un truc qui était... Mais c'est un jeu quand même qui était vraiment... Il y avait des parties de Patzak. D'ailleurs, dans un mode, puisque j'ai refait KOTOR récemment, dans le mode qui débloque tous les trucs bloqués, il y a même un tournoi de Patzak qu'on peut jouer sur Mana. Hein. Ça fait une quête à part, avec plein de mecs à battre et tout ça. J'ai découvert ça, je dis, ah, c'est tout nouveau. Et donc, c'était dans un truc qui avait été coupé à l'origine, parce que ça, ouais, c'est que le rythme du jeu baissait. Et donc ça c'est pas au niveau du tournoi de Gwent dans The Witcher 3, mais c'est il y a cette quête là et en fait effectivement tu vas pouvoir en parler, on peut le trouver en jeu comme ça à jouer. Voilà, il y a plein de standalone qui ont été développés. Donc le Patzak c'est un système simple où on tire des cartes sur un où il faut se rapprocher de 20 sans jamais le dépasser. Donc ça c'est un petit peu pompé sur le blackjack. Il y a des cartes dans la main qui permettent de faire monter ou grimper cette valeur et il faut gagner comme ça. Le dernier en date, alors cherchez Patzak Cantina, ça permet de jouer tout seul ou en multijoueur en ligne. Et voilà, et donc c'est vraiment réservé aux nostalgiques, effectivement, parce que si on sort un truc de nos jours comme ça, tout neuf, oh, regardez, on a un super jeu, ça s'appelle Patzak, hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bon, voilà, ça rappelle plus de souvenirs, enfin, c'est plus pour l'aspect nostalgique que pour le jeu lui-même. Mais c'est quand même une petite création très appréciée à l'époque quand KOTOR est sorti. Ben voilà, ben tu vois, ça nous amène à 2h05 et quelques de podcast. Ça fait, doit te faire vraiment la durée de l'Empire Contre-Attaque, je pense, pas loin. Donc voilà, donc vous voyez, au lieu de regarder l'Empire Contre-Attaque sans mettre le son et vous mettez le podcast, bon, je sais pas si c'est C'est lui faire honneur. Je sais pas. Peut-être pas. En tout cas, je te remercie Macrémic pour ta participation à ce podcast. Je vous remercie à toutes et à tous pour nous avoir écoutés jusqu'au bout, je l'espère. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Très bientôt aussi pour un prochain podcast, puisqu'on va continuer là-dessus. Peut-être qu'on fera un par mois, on verra. Toujours est-il donc que je vous remercie beaucoup. Et en attendant, que la force soit avec vous.